Ah, ça y est, on nous entend. Ok, let's go. On recommence. Vous êtes prêts? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millénial, le podcast qui a besoin d'aller très vite parce qu'on a loupé la première intro. Je suis Grushkov et je suis de retour dans la bonne timeline, celle où c'est moi qui présente l'émission, accompagné de mon fils Adrien, Coco, Matt, et notre nouveau petit bébé, oh, notre petit Ika. Coucou tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se serait passé dans Star Wars si Anakin n'avait pas basculé du côté obscur, si Han avait eu une relation amoureuse avec Lando, ou si Rey sentait bon? Parce que nous, non, en fait, ça c'était l'intro d'Adrien, et vraiment, on est d'accord que c'était ultra cringe quand même. Hein. Mais Nick Taras En tout cas, on va continuer notre exploration des timelines possibles de Star Wars dans notre deuxième partie de l'émission Star Wars What If. Cet épisode est enregistré en direct, donc si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Tout est dans la description. Cette émission est interactive. Nous vous donnons la parole à vous dans le chat. Oui, vous, les magnifiques fans inconditionnels de Faucon Millénial. Comment ça va? Est-ce que vous avez bien aimé cette intro complètement éclatée? Il faut qu'on en trouve un nom. Hein. Il faut qu'on en trouve un nom d'ailleurs aux personnes qui nous suivent. Les fauconniers, évidemment. Les fauconniers. Non, mais attendez, ça fait référence à Jean Eusèbe et c'est un peu cringe, non? Bisous à lui. Le pauvre. Bonjour à tout le monde sur le chat. Un bonjour à les fauconos. À Kodaleya, à Natachou, à Vadkram, à Wellins, à Monsieur Karma, à tous les autres qui sont là, qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Abbott Costello, JBT, Wallpig, tout le monde est là. Parfait. Daniel propose des vrais cons. Ah ouais, c'est pas mal, je trouve. Les vrais cons. Les vrais cons milléniaux. Les vrais cons milléniaux, c'est parfait, non? Ça marche bien, c'est parfait, les vrais cons milléniaux. Renommage du podcast en 3, 2. En tout cas, la semaine dernière, non, c'était il y a plus longtemps que ça. Enfin, bref, la dernière fois, on avait commencé une timeline qu'on n'avait pas finie, on s'était arrêté pour pouvoir faire un saut dans le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette timeline-là? Alors déjà, on en avait fait une première dans laquelle, c'était quoi? Anne et Kira pouvaient partir ensemble de... Comment ça s'appelle? De Corellia au début de Solo, et c'était la dépression. À part pour Anne et Kira. Anne et Kira. Oui, j'avais dit Anne et Leia d'ailleurs. Moi, j'aimais bien cette timeline. Je trouvais ça vraiment bien, chouette. Mais c'était badant. Parce que c'était vraiment un tout petit truc et ça a impacté tellement de choses. C'était vraiment, j'aimais bien. Après, voilà, on a eu plus d'ambition. C'est parti en couille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, on s'est demandé et si Anakin avait laissé Mace abattre Palpatine? Bien. Tout simplement, après le décès de Sheev Palpatine, une scission se fait au sein de l'Ordre Jedi. Une partie d'entre eux souhaite réformer l'Ordre, tandis que le Conseil, présidé par Windu, prend le contrôle du Sénat et impose une théocratie galactique. D'ailleurs, t'as pas mis dans tes résumés, Adrien, que Windu bute Yoda. Hein. Voilà. Oui, alors j'en ai mis un par jour, si tu veux, sur Twitter. Si vous nous avez suivis, d'ailleurs, merci d'avoir suivi cette petite série... Et alors voilà, j'aurais dû commander plus tôt, et en fait j'ai pas pu parler de tout le monde, hein. J'ai pas parlé du Bad Batch, j'ai pas parlé d'Ahsoka. Si t'as parlé du Bad Batch, t'as fait un tweet pour le Bad Batch, mais pas pour les personnages intéressants. Non, j'ai parlé des clones et de Omega, mais pas du Bad Batch, mon petit Grushkov. Oh, pardon. Quelques temps après, du coup, l'installation de cette théocratie Jedi, Anakin, qui devient un peu le leader de facto de la rébellion Jedi, libère les novices et les quelques membres de l'ordre qui étaient en désaccord avec Mace. À ses côtés se joignent, bien évidemment, Obi-Wan Kenobi, avec sa magnifique barbe et son swag intergalactique. Et ses bottes. Depa Bilaba et son padawan Caleb Doom, parce que Adrien y tenait vraiment. Plo Koon et bien d'autres. Évidemment, après avoir quitté Coruscant, puis Raxus Prime, Padmé Amidala, Bail Organa et Mon Mothma partent à la destination de la bordure extérieure. À destination, pourquoi j'ai dit à la destination? Padmé élève Leia et Luke, puis tombe enceinte une nouvelle fois. Anakin et Padmé attendent un troisième enfant, dont le chat vient de, pendant l'attente là, de choisir le nom. Je crois qu'on va refaire le sondage. Oui, non, mais oui. Le petit Grushkov Skywalker. Et pendant ce temps-là, il y a un petit un petit personnage qui monte malgré le silence des médias, Boba Fett, qui a vu son père assassiné par la personne qui est devenue la figure de cette théocratie. Ce jeune chasseur de primes plein d'ambition finit par rallier plusieurs syndicats du crime afin de venger un jour la mort de son père en tuant l'homme le plus puissant de la galaxie. Boba Fett will rise today. J'ai oublié le paragraphe sur les clones, par contre. Non, j'ai pas oublié, je l'ai skippé parce que personne n'en a rien à foutre. Bah non, j'aime bien, moi. Bah vas-y. Bah je sais plus, alors je l'ai pas sous les yeux, mais en voilà. gros, les clones, de leur côté, quittent, en fait, pour beaucoup d'entre eux, l'armée des Jedi, et notamment Rex, mais aussi Cody, Wolf et d'autres, rejoignent en fait la rébellion Jedi et du coup mettent un terme au clonage sur Kamino en allant tout détruire les installations. Alors en fait tu dis la majorité des clones mais pas du tout hein. C'est un escadron en fait en tout. Absolument ouais. C'est une minorité. C'est ça, très très peu de clones les plus intègres finalement parce que l'ordre 66 n'a jamais été utilisé et donc voilà des clones sortent un petit peu et en fait vont tout casser les installations de clonage et donc tombent sur Omega et la ramènent avec eux. On n'entend pas assez Adrien, a priori. Bah c'est pareil chez moi, il est un peu bas. Alors ouais, c'est vrai, c'est en fait c'est mute le. Attendez, je vous mets un peu. Non mais parce qu'en fait on m'a. Ok, parce qu'on m'a déjà dit, ouais, Adrien, il sature, c'est de la merde, tuez-le, virez-le du podcast. Alors c'est pas faux. C'est littéralement ce qu'on nous a dit. Ouais, c'est mot pour mot, en fait. C'est ça, les clones récupèrent Omega, Gurskov, oui. Il paraît, a dit ça. J'ai jamais entendu un truc pareil. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on m'entend mieux? Malheureusement. Malheureusement, ouais, c'est ça la question. Est-ce que, voilà, c'est un peu triste, hein. Bon. Oui. Tout à fait. Est-ce que ça faisait plaisir à Adrien? Quoi qu'il arrive, Omega finit avec des clones, en fait, quelle que soit la timeline. Hein. Ouais. On est d'accord que il faut absolument qu'on fasse se rencontrer Omega et Boba. Non, on va faire tout pour que ça soit pas le cas. Bah super. mangez bien vos morts, alors, dans ce cas. Écoute, je le fais tous les jours. Eh bah, il super. Est très bon, mon papy. Très bien. Du coup, on va pouvoir continuer. On s'était arrêté sur, en gros, des conflits militaires et d'influence qui s'étendent sur 16 ans entre la théocratie galactique. On l'a appelé comment d'ailleurs ? C'est ouais. L'ordre Jedi d'origine qui est resté. L'ordre. Et en fait, on s'était arrêté donc, sur le troisième enfant de Luke et Leia. Et du coup, dans le chat, n'hésitez pas à faire des propositions de nom. De Luke et Leia. Pardon. Le troisième enfant de Luke et Leia. Alors, juste attendez. Parce que vraiment, Ika, tout à l'heure, s'est foutu de ma gueule parce que j'ai fait plus ou moins la même bourde. Et donc là, je suis bien content que... Toi, c'était Anakin et Leia. C'est bah, les deux sont dégueulasses. Hein. Pauvre Leia. Ouais, mais Luke et Leia, c'est déjà canon. Alors, autant que... Alors, oui, c'est... Ah, c'est ouais. Vrai. Shmi et Leia. Non, arrête-toi, Adrien. Mais non. Je veux juste qu'on l'appelle Shmi. Oui, je sais, c'est une blague. Et donc, c'est à vous, cher public, de décider du nom qu'aura cet enfant. Oui, parce que ça va être important pour continuer. Mais voilà, il y a la guerre qui s'étend, et il y a des bébés qui naissent. Et il va falloir qu'on décide de quelques autres choses. Par exemple, de quelle manière Ahsoka va mourir. Alors, non, pas forcément, Kodaleya, c'est pas forcément un fils. Hein. C'est proposer des prénoms, et si le prénom, si c'est un prénom féminin qui gagne, ça sera une fille, et si c'est, voilà, on va faire un truc comme ça. Quoi. Ouais, on va y aller comme ça. Proposer des prénoms dans le chat, et on va faire un sondage incroyable. Et pendant ce temps-là, Matt va allumer sa cam et danser pour vos yeux, devant vos yeux ébahis. On enlève les Revan. Ouais, non, on bande Revan et Calcater. Hein. Red JJ Star Wars. Non, mais c'est moi. En vrai de vrai, oui, voilà, il y a plein de noms qu'on peut trouver. Alors, je sais que vous allez pas être content, mais Shmi. Oh merde. Je suis d'accord avec Adrien. Ah, voilà. Ouais, ou Ben. C'est genre Obi-Wan qui est à côté. Eh, moi, je trouve qu'il y a un prénom qui sonne bien, c'est Ben. Ça vous dit pas, vous l'appelez comme ça, votre gosse? En fait, de manière canon, c'est juste, t'as Obi-Wan qui arrive et qui propose sa liste de noms. Allez, vas-y, Qui-Gon, Yoda... Eh, mais Qui-Gon, c'est pas con, en vrai. Qui-Gon, en vrai, c'est pas bête. Qui-Gon, c'est vraiment pas con. Ah, il est mort, Plo Koon, dans notre timeline? Ah oui, il est mort. Comme un badass, là. Ouais, il meurt justement lors de la libération des... Rise of. Mais ouais, non, en vrai, j'y pensais, Achille, et je pense... Ouais, est-ce que dans notre timeline, on part du principe que Anakin a quand même compris que c'était quand même un... Oui, c'est... Bah oui, si. Oui, c'est vrai, mais t'as raison. Ouais. Et le courant que c'est... Ouais, les sites, c'est pas terrible, quoi. Donc pour l'instant, on a Shmi, on a Qui-Gon ou alors Jin. J'ai mis Qui-Gon, alors j'ai retenu là dans le pôle, j'ai mis Ben, Rey, j'ai vu passer ça, hein. J'ai mis tout ce que j'ai vu, hein. Je changerai si jamais. Shmi, Qui-Gon, c'est tout. Ben, Rey, Shmi, Qui-Gon. Watto. Watto. Ben, c'est vrai que c'est compliqué. Ahsoka. C'est vrai qu'ils ont déjà appelé leurs enfants Luke et Leia, c'est pas des références à d'autres personnages. En vrai, il faudrait un prénom qui commence en L, idéalement. Ah, c'est vrai. Eh oui. Ouais. Le beau gosse du 7-7. Le beau gosse de Naboo. Alors c'est vrai qu'avec un L, on a... Lane Skywalker. Ah ouais, oh oui. Lane, c'est très bien, Lane. Non, mais alors, tout con, non. Hein. Je veux dire, Anakin, il a très bien pu trouver des archives et se dire, ah, et tout, quand même, genre, pendant la Haute République, ils étaient stylés. Et si on appelait un de nos gosses comme un des Jedi de cette époque. Il y a beaucoup de blagues. Hein. La course de la Bunta. Jaina. Alors, je pense que... Jason. Ouais, on va enlever les enfants de Ben et Rey. Kyle Katarn Skywalker, du coup, je pense. Hein. Désolé. Kyle Katarn Skywalker. Moi aussi, j'aurais préféré Kyle Katarn Skywalker, mais... Bon, il est où, le sondage? Il n'est pas prêt? Attends. Je peux le lancer, c'est parti. Voilà, comment il s'appelle le pote de Anakin, Kidster? Kidster. Ah, j'hésite. J'aime bien Shmi et Qui-Gon, mais Qui-Gon c'est plus moche, alors je vais partir sur Shmi. Non, mais non, alors regarde juste Jin en fait. Jin, ça aurait pu être. Jin, c'est un nom de famille. Et alors? Je sais pas, tu vas appeler ton enfant par ton nom de famille. Si Obi-Wan il a un enfant, est-ce qu'il va l'appeler Skywalker Kenobi? Enfin, c'est chelou, quoi. Ouais, c'est vrai. Il s'est complètement con. Alors, j'ai proposé Shmi, mais j'ai voté pour Lane, parce qu'on aime Lane. D'ailleurs, Lane, si tu nous écoutes, on t'aime. Tu nous manques. Mais tu nous écoutes pas, alors... Ouais. Salut. On t'aime quand même. Le pauvre. Luke vrai, et Leia, c'est pas de mec qui les nomme, mais on sait pas s'ils l'ont pas choisi ensemble. Ouais. Ouais. Attends, ouais. C'est quoi le meilleur modèle de Podrace? Tu sais, il fait comme Elon Musk, il lui donne un nom d'avion. Oui. Il va l'appeler Yippi. À mon avis, que d'aller lire la technologie dans Star Wars permet largement de savoir si tu attends des jumeaux ou non. Je sais pas, parce qu'elle meurt pendant l'accouchement, alors tu sais. Ouais, non, moi je pense qu'il savait pas que ça allait être des jumeaux parce que. Il s'était dit. On va vous dire ce qu'on veut, hein, mais la sécu sur Coruscant, c'est pas terrible. Ils se sont dit si c'est une fille, c'est Leia, si c'est un garçon, c'est Luke, et puis pof, c'était les deux. Ouais, t'as raison, Natacho et Anakin, il a l'air complètement osef quand il apprend qu'il va devenir père. À mon avis, c'est le genre de mec qui est pas très présent. Pas la faute d'Anakin, c'est la faute de George Lucas. C'est lui qui a dit « joue moins ». Ah oui, en plus, ça c'est vrai. T'es heureux, mais bof. Hein. Shmi gagne. Donc c'est Shmi Skywalker, le bébé. Oh, le bébé, Shmi Skywalker. Donc, on va pouvoir mettre le premier bloc. Shmi Skywalker, deuxième du nom. Ouais. C'est vrai. Shmi 2, du coup. Ah, c'est compliqué, ça aussi. Shmi Junior. Shmi Junior. Shmi 2, le retour. C'est Shmi, mais avec deux I majuscules à la fin. Le retour. c'est trop bien. Bienvenue chez les Shmi. Mais tu sais, il faudra bien... Oh merde. Et oui, va te cram, c'est ça. Tu m'as fait cracher mon eau, espèce d'enfoiré. T'as viré le petit emoji biberon trop mignon. Ouais, laisse-le quand même. Je suis très déçu. Bon, ça va, si tu le remets, c'est bon. Mais du coup, faut faire un truc pour la conception avec une pêche et un concombre. Vous savez ce qui serait trop mignon. Je sais pas, mais tu vas sûrement dire un truc claqué. Peut-être, mais j'aimerais bien que Shmi, elle soit pas sensible à la force. Ok, d'accord, c'est pas si claqué parce que je pensais la même chose, mais en vrai. Ah je... Ouais, pourquoi mais attendez, c'est un peu compliqué à justifier qu'une fille d'Anakin soit pas sensible à la force. Enfin, c'est un peu intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, mais c'est un petit peu. Ouais, c'est ça. Et genre, toute son adolescence, elle est dans le mal à cause de ça, tu vois. Et genre, ça fait tout un arc de personnage, ça. Et à la fin, elle se rend compte qu'en fait, ben, même si elle n'est pas sensible à la force, ben, ça reste comme la meilleure pilote de toute la galaxie. Voilà. Ah, ben, c'est bon. Non, mais c'est une super idée, ça va devenir la pilote. Merci. Elle va épouser Han Solo à la place de Leia. Parfait. Non, elle est beaucoup trop jeune. Ok, alors. Non, on fera ça dans un autre carré, je pense. Ouais, ils vont le découvrir. Ouais, c'est ça. On reprend quand elle a 16 ans. Elle est en train d'apprendre à. Et du coup, Luke et Leia ont combien de différences du coup, par rapport à elle? Combien de différences? On avait dit c'est 5 ans entre le premier carré et le dernier. Pas 5 ans. Il me semble que c'était 5 ans, non? C'était pas... Je croyais que c'était 2 ans, mais 5 ans. Ouais, moi j'aurais dit 2 ou 3 ans aussi. C'était pas 2-3 ans, parce que c'est pour ça qu'on a fait un écart de 16 ans après. Oui, si. Comme ça, les jeunes, ils ont le même âge que pendant la trilogie originale, en fait. C'est ça, exactement. Ah oui, si, ça fait sens. Du coup, ils ont 19 ans, et elle en a 16. Okay. C'est ça. Ok. T'as vu? Ça rend trop bien. Non, mais je veux dire, juste en appelant une fille Shmi, on débloque tout un panel de trucs trop cool à dire. Oui, mais donc ouais. Parlons d'Obi-Wan maintenant. Ben, qu'il est beau. Je l'aime très fort. Ça, on est d'accord. T'es pas obligé. Il a entraîné... Luke et Leia, on n'avait pas dit genre. Oui, c'était le maître. De Leia. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que Exactement. Luke, il est pas transphobe. Mais il est formé par la vraie Ahsoka, pas celle qui devrait pas exister. C'est ça, c'est ça. La seule et unique Ahsoka, c'est tout. Ok. Partons. Alors, de quel côté on va commencer Vous voulez commencer? Ouais. On peut dire qu'est-ce qui s'est passé au bout de 16 ans. Comment on pourrait ils se sont installés où on avait dit du coup à la fin. Elle a pas dit. Alderaan. Non, ils non parce qu'ils ils y étaient allés et puis ça avait été évacué. Ah oui, c'est vrai, oui. À un moment, ils étaient mobiles. Si, c'est marqué. Oui, mais c'était genre le truc. Et bah, Tatooine. La base principale, je sais pas. Du coup. Pour de vrai, très non, bien. Non. 16 ans plus tard, ils sont. Mais non, mais Adrien, pour de vrai, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de temple Jedi sur Tatooine. Bah, maintenant, si. Ah, j'avoue, et dans ça fait ça. Mais c'est vrai que Boba, il doit finir par s'allier avec eux. Donc, s'ils sont sur la même planète, c'est vachement ouais, plus c'est intéressant. Vrai, c'est vrai, ouais, c'est et non, vrai. Justement, le nouveau temple, il peut être à l'ancienne ferme des Lars. En fait, c'est à la fois une ferme et un temple. J'imagine un temple. L'alliance parce que j'imagine pas du tout Boba qui fait mettre des Jedi, même rebelles, tu vois. Ça... Ah, mais justement mais c'est pour tuer les... Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Il va s'allier avec eux, mais il va pas devenir leur ami. Moi, je pense qu'on aura une Boba Dempion à la fin. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que justement c'est pas là où Baba c'est lui qui potait. Alors on va aller tuer Mace Windu, on va lui mettre des pattes dans le slip. Baba Fett. si j'ai une idée, il y a une planète qui est sous-exploitée et on sait pourtant qu'il y a une ancienne base rebelle dessus, donc c'est qu'elle était intéressante stratégiquement, c'est Crate. Parce que Crate, en fait, c'est une planète sur laquelle il y a pas mal de minerais, je crois. Et du coup, c'est pour ça que les rebelles s'y étaient mis à l'époque, tout en étant dans la bordure extérieure. Mmh. En plus, c'est très joli. On peut inventer qu'il y a une caverne de cristal rouge du côté. Non, mais c'était un avant-poste de l'Alliance Rebelle, mais on peut imaginer qu'ils vont la construire. Enfin, dans la vraie timeline, c'est un avant-poste de l'Alliance Rebelle, mais là, ils peuvent la bâtir, cette base. Tout connement, en fait, ils peuvent tout simplement partir sur Yavin. Ouais, sur Yavin. Ouais. Bah, ah bon justement, souvent, ils placent leur temple sur des anciens trucs du côté obscur, genre celui de, c'est vrai, ouais, de Coruscant. Il est bâti par-dessus un temple site. Oui, oui, c'est vrai. Coruscant. Ah non, je sais plus. Je sais pas. Je peux aller vérifier si tu veux. En tout cas, alors, canon appearances. Non. Il n'y a rien du tout. Hein. Crait, ça peut être sympa. Mais en vrai, Tatooine, c'est pas con. Hein. Tatooine, c'est pas con. Non, non, non, je pense que tu allais dire la même chose que moi, donc vas-y, mon bébé. Il pourrait très bien avoir juste une flotte mobile, hein, avec un vaisseau temple. Ah, mais genre comme moi, c'est ce que j'avais proposé au début. Hein. Moi, c'est ce que j'avais proposé au début et on m'avait envoyé chier. Mais il faut le construire, hein, le bordel, hein, par contre. Hein. Ah, mais on n'en avait pas déjà parlé de ça ? Non, mais, si, on en avait parlé. Ouais, si, en vrai, c'est cool, ça. Parce que moi, j'avais dit que... Mais moi, je suis... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que ce soit un truc mobile, mais... Mais il y a aussi... La planète de glace, là, dans Fallen Order, où il y a déjà un temple. Bah non, parce que c'est Ilum. Ilum, n'importe quoi. C'est Ilum, et non, parce que c'est là-bas qu'ils récupèrent tous leurs cristaux. C'est le pire endroit. Ben, si, moi, la rébellion de Jedi. En plus, c'est beau parce que t'as des clones. Et donc, du coup, Matt, quelques clones et des... Matt, t'as dit un truc pour rigoler, mais c'est pas con du tout parce que du coup, Malachor, c'est une planète, c'est un haut lieu site aussi sur lequel il pourrait faire un temple. Ouais, faut connaître le bail et puis c'est pas un endroit super cool pour survivre. Hein. Bah Yoda, il... Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Les serpents. Oui. Y a plus de sites pour foutre la merde pour l'instant, non ? Mais tout en prenant la pureté Jedi, quoi. Il est plus pur que pur. Du donc coup, là, il pour est l'instant, dans le sondage, j'ai Crait, Tatooine, Yavin 4, une flotte mobile. Ouais, quel est leur but à la rébellion Jedi pour l'instant ? Parce que s'ils veulent juste protéger la lumière pour l'instant, ils sont un petit peu à l'écart du conflit militaire et politique, et eux, ils vont surtout tenter de sauver des gens. Alors, je pense pas, parce que je pense que Mace Windu les laisserait pas vivre. En fait, ils sont forcément en conflit armé avec l'ordre Jedi. Bah oui. Oui, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de bouger, mais du coup, ils sont pas forcément tout ensemble. Et donc, à mon avis, ils ont quand même comme objectif de niquer sa mère à Windu. Hein, on va pas se le cacher. Et sûrement aussi d'essayer de fonder des nouvelles générations, donc d'élever des nouveaux Jedi. Et de... Peut-être qu'il peut y avoir des conflits, justement. Il peut y avoir des conflits en plus entre Obi-Wan et Anakin, par exemple. Je lance le sondage, attention. Est-ce qu'on m'entend ? On t'entend. D'accord. Il peut y avoir des conflits entre Anakin et Obi-Wan parce que ils sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut buter Windu ou l'avoir vivant pour pas tomber dans les mêmes problèmes que lui, il a fait, quoi. Du coup, deuxième scission. Et franchement, je sais même pas de quel côté. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, en vrai, j'avoue. Hein. Ouais. Je rappelle que quand il dit qu'il aime pas le sable, c'est juste pour draguer. Hein. Il s'en bat les couilles du sable, en vrai. On oublie tout le temps ça, mais il dit « j'aime pas le sable ». En fait, il fait juste ça pour dire « le sable, c'est rien à côté de toi, bébé ». Genre, c'est la pire drague et ça marche. mais on croit qu'il aime pas le sable, mais en vrai, c'est juste que... Oui. Mais c'est bon, de la merde. Il a l'air de bien aimer, hein, quand même. Oui, bah, c'est ça le pire. C'est la pire disquette. Ouais, c'est ça le pire. Ouais. Non, j'ai pas triché. On peut pas. De toute façon, on peut pas tricher, j'ai désactivé. Y a plus en plus, t'es le seul qui a voté pour ta twin, Matt. Non, alors c'est moi, et en fait, aussitôt, je me suis dit, mais non, c'est complètement con. Et du coup, j'ai. C'est pas grave, si tu veux, Matt, il y aura des Jawa du côté des Jedi gentils. C'est bientôt fini, il reste que quelques secondes. N'hésitez pas à voter pour Crate, c'est quand même vachement cool. Et il est arrivé très proche. On n'influence pas, on a dit pardon. Mais voilà, après, plusieurs... Et ça sera une flotte mobile. Oui, c'est le début. On commence avec une flotte mobile. De toute façon, le fait est que là, on parle du QG, mais dans les faits, la guerre, ça demande des ressources, donc il y a forcément des systèmes qui sont occupés et exploités. Je sais plus comment ça marche. C'est pas grave, reprendre ton souk, on va commencer à réfléchir à la suite. Qu'est-ce que... Du coup, là, on fait des ellipses pendant 16 ans, on est d'accord? Est-ce que du coup, Luke et Leia sont encore Padawan? Est-ce qu'il y a encore des Padawan dans cet ordre? Ou est-ce que Ils ont 19 ans, on peut imaginer qu'ils sont en train de sortir du statut de Padawan. Ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, toutes les histoires dans le canon des Holocrons avec les potentiels Padawan... À travers la galaxie, est-ce qu'ils ont essayé de sauver ces trucs-là Alors, est-ce qu'ils ont pu l'obtenir? Est-ce qu'ils ont pu empêcher l'ordre de grandir trop? Alors, à mon avis, non. Et ça me fait penser que on n'a pas parlé de serré, de. Parce que personne n'en a rien à foutre. Mais non, Adrien. Mais vous êtes sérieux? Bah, ils sont restés dans l'ordre et puis c'est tout. Serré, je pense pas. Mais par contre. Mais arrête. Non, mais non, vraiment pas. Serré, je pense vraiment pas qu'elle soit restée dans l'ordre. C'est la pire. Mais non. C'est la pire, Adrien. Non. Elle est gentille. Par contre, peut-être c'est moi, je sais pas. On est quatre. Oui, oui. On est quatre. Oui. Bonjour, je suis Grushkov. Bonjour, je suis Icar. Bonjour, je suis Adrien. Jocasta, elle est restée avec Windu? Non, elle s'est pas fait tuer. Je sais plus, mais de toute façon, oui, elle reste avec Windu parce que c'est une grosse merde. Jocasta, c'est une facho. Je n'entends pas bien Matt. Ah, mais en fait, ils t'entendent pas du tout. Mais... Non, mais attends, quoi? Ils disent qu'ils t'entendent pas. C'était bien. Vous m'entendez pas mal depuis tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure, vous m'entendez pas en fait. C'est formidable. Ah oui, quand... oui. Oh merde. C'est fou ça. Non mais c'est moi qui me suis planté en fait. Ça fait 4... Oh c'est terrible. Ça fait 3-4 heures qu'on m'entend pas. Ok. Bah, les autres n'entendaient donc j'ai pu influencer quand même le truc. Bonsoir tout le monde. En plus, l'autre il m'a présenté tout à l'heure. Vous auriez pu dire ah mais on l'a pas entendu. Bah non. Non, ils en ont rien à foutre. Oh, c'est terrible. C'est pour ça les silences, en fait, on attendait juste Matt. J'en peux plus, je m'en vais. Comme une très haute qualité de live. Non, mais c'est encore moi qui me suis foiré sur la configuration d'OBS. Tandis qu'on a le public qu'on mérite. Tout à l'heure, ils m'entendaient pas. Oh la vache. Waouh, wow. Vous allez vous démerder tout seul. C'est juste trop drôle. Vous allez finir le tout seul si je boude. N'hésitez pas à balancer tous les meilleurs messages d'amour à Matt. Non, je m'en fous. Je vais juste noter les trucs. Du coup, alors que pour rien. Ouais, vraiment, c'est toi qui as fait ta connerie. Hein. Oui, bah, on fout. On s'est dit, réfléchissent beaucoup. je suis désolé, c'est vraiment ma faute, je me suis foiré. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, visiblement, ça a gêné personne, vous êtes tous toujours là, et puis c'est suivi son bonhomme de chemin. Koda, s'est dit, bah, ils réfléchissent quand même beaucoup. Oui, oui. Mais au moins, je vous ai fait paraître intelligent comme ça, c'est bien. Tu vois, et Willins a dit que. La preuve qu'on tient à toi, Matt, c'est qu'on a râlé. Ouais, rattrape-toi, t'as raison. Voilà. C'est qu'on a râlé au bout de 45 minutes. En vrai, ça fait moins que ça, parce qu'on a commencé le live au bout de 12 minutes. Et puis en plus, on nous entendait pas du tout. Ouais, donc au bout de 15 minutes. Et puis maintenant que je suis là, il y a des gens qui s'en vont. Bah super. Merci beaucoup aux vrais cons qui nous ont fait remarquer, en tout cas. les vrais cons milléniaux, on vous aime. De quoi on parlait du coup donc, avant qu'on se rende compte que j'étais absent dans la transparence. On parlait que Céré c'était la pas une rebelle. Non mais on s'en bat les couilles. Oui, on disait que Céré on s'en foutait, c'est vrai. Ouais. Mais pour l'instant on n'a pas beaucoup avancé. Il faut tout inclure, il est trucs, infernal. Bah, c'est oui, c'est pas à cause de lui qu'on a parlé du Bad Batch l'autre jour d'ailleurs. Ou Omega, en tout cas, c'est à cause de ça. On passe beaucoup trop de temps sur une timeline, mais c'est 90% à cause d'Adrien. Adrien, il veut parler de tout le monde. Mais c'est important. Regarde les Fortuna. Bon, pour faire avancer un peu les trucs, moi je pense que ces conflits pendant 16 ans là, ça tourne pas forcément en faveur des copains, enfin en faveur de la rébellion. Non, bah non, c'est pour ça qu'ils sont toujours à bord de la flotte. Genre la petite Shmi. Elle a jamais vécu sur une planète. Ouais. C'est pour ça que c'est une super pilote en fait. Est-ce que tu veux que je l'ajoute? Ah ouais. Est-ce que c'est quelque chose à noter en tout cas ou pas? Bah ouais, enfin c'est logique, ouais. C'est pas un événement en soi, hein, mais est-ce que c'est nécessaire de l'indiquer? Je me pose. Est-ce qu'au bout de 16 ans, du coup, Windu, il a produit sa première étoile noire? Ah bah... Est-ce qu'il veut faire une étoile noire? C'est l'étoile lumineuse déjà. S'il l'a fait... Oui, c'est ça. Et s'il l'a fait, il l'appellera comment? Il l'appelle la lumière des Jedi. Oh là là, l'audace. Windu, dans cette timeline, au bac, il a qu'est-ce que l'audace? Il répond, c'est ça, il a 20. Oh, Natashu, t'as trop raison. Comme ils vont. Ils se dispatchent en fait régulièrement pour aller sauver des gens qui ont besoin d'aide face à la République qui est un peu. En gros, c'est l'Inquisition. Hein. C'est l'Inquisition espagnole, mais. Oui, c'est littéralement ça pour le coup. Ouais. Du coup, il y a les petits rebelles. Et effectivement, est-ce que Caleb et sa maître Depa, ils ont fait une mission sur Rylot pour aider les petits. Les locaux, et puis ils sont tombés sur la famille Syndulla. Tout ça pour re-ship Hera avec... Bah bien sûr. Parce que c'est la force. C'est le destin de la force. Et comme ça, on a quand même notre petite Jacen. Non. Parce que... Bah, c'est, du coup, c'est pas la carte. si, c'est bah à voilà. La carte. Bah non. On est là pour ça. Et moi, en vrai, je suis content parce que j'aime bien quand même... du coup Kanan et Hera, mais bon je shippais à la base, je voulais faire un From Enemies to Lovers entre Caleb et Cal, mais c'est pas grave. Non, t'as raison Vatkram, et on s'était dit la dernière fois Mace Windu jamais il construirait sa Death Star parce que ça voudrait dire que il consomme ses cristaux Kyber et tout pour autre chose, ce qui n'est pas le cas. Lui, il va juste former beaucoup de Jedi, je pense. T'as dit il consomme les cristaux Kyber et j'étais en train de l'imaginer en train de sniffer de la poudre de Kyber. Ah putain, je la sens bien, la force. Et du coup, genre un truc tout con, mais genre... Moi, j'ai pensé Jedi, à une tartine envahi... Kyberée, mais c'est pas grave. Jedi, c'est envahi de Jedi ultra vénère dessus et tout. Alors moi j'ai ajouté Shmi qui n'est pas sensible à la force, une formation de pilote ayant grandi à bord de la flotte. Parfait. Tu vois ce que tu disais Adrien à l'instant, c'est que je pense pas qu'il y aurait des Jedi ultra vénères. Je pense que dans l'ordre Jedi, il y aurait des Jedi qui continuent d'aider les gens de la galaxie. Ouais, et oui, c'est oui, juste oui. qu'ils pourchassent aussi les hérétiques Jedi, tu vois, en même temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, en je même pense temps... qu'ils gardent quand même leur statut de protecteur. Il n'y a pas de raison que Mace Windu, il décide... Ouais, mais est-ce qu'ils en abusent pas, tu vois, quand même de ça. Ah, ils pourraient en abuser, mais de toute façon... Ils sont peut-être moins selfless... Et plus en mode, enfin c'est nous qui faisons la loi, tu sais. en mode nous en mode guide. Tu sais, genre, au lieu de dire voilà, vous, on est là pour aider les gens, ils sont, on est là pour guider les gens, pour leur dire ce qu'il faut faire, quelle est la bonne t'as façon raison, de pas retomber. En fait, en mode, on va pas retomber dans les travers d'avant. Et en fait, c'est quand même fucked up parce que du coup, ils enlèvent de plus en plus de liberté aux gens parce qu'il y a toujours des conflits du coup. Mais est-ce que ça serait pas justement la rébellion Jedi qui essaye de pas tomber dans les mêmes travers plutôt, enfin, non, mais que l'ordre Jedi chacun... resterait très proche de ce qu'il était déjà. Non. Non, mais de pas tomber dans les travers de la République. Ah, pas oui, de tomber oui, oui. dans les travers Jedi, mais dans les travers de la République et éviter un autre conflit galactique. Et c'est pour ça qu'ils sont autant à fond en mode faut qu'on empêche les hérétiques de. En gros, ils disent qu'ils sont du côté obscur, que c'est les nouveaux Sith. Bah, au niveau des conflits, d'ailleurs, on a un conflit entre l'ordre de Windu et la rébellion de Jedi et les séparatistes. Mm-hmm. Mais les séparatistes et la rébellion de Jedi, ils sont proches, mais la rébellion de Jedi intervient pas dans leurs décisions. On avait dit qu'ils étaient alliés, qu'ils étaient leurs forces étaient unies. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a des droïdes. D'ailleurs, dans l'armée des rebelles ouais, Jedi. Mais par contre, pour autant, il y en a quand même les qui ont quitté les séparatistes. Au moment où Mace Windu a pris le pouvoir et que Shiv est tombé, de toute façon, il y a des séparatistes qui ont arrêté de se battre aussi. Bah, en fait, oui, en fait bah, genre... surtout les gros. Ils les gros plus, on avait les dit surtout les gros commerciaux, en fait. Enfin, on avait dit qu'il restait le cœur plus, politique de la, des séparatistes, ceux qui voulaient vraiment juste faire scission avec le. Avec la République, mais tout le conglomérat, tout le comment on appelle ça, le complexe militaro-industriel qui était là, il a foutu le camp, quoi, parce qu'il s'est rallié à ceux qui étaient. Et d'ailleurs, oui, ils ont quitté les séparatistes, quoi. Mais pendant que Padmé, Bail et Mon Mothma, on avait signalé d'ailleurs qu'ils rejoignaient ce Sénat. Une fois, dans les séparatistes, il n'y avait pas que des Glips tout nul comme les Némoïdiens ou les autres ultra dangereux. Non, il y avait aussi des planètes qui étaient indépendantes et qui voulaient garder leur indépendance. Quoi. Oui. Natashu avait fait deux réflexions, je voulais juste revenir dessus. Est-ce que Depa et Caleb Kanan sont allés sur Rylot pour qu'ils rejoignent la partie Jedi Rebelle on est intervenu dessus déjà. Parce qu'on avait dit que Rylot voulait la paix, en fait, qu'on leur foute la paix, non? Il me semblait qu'on avait dit que ça se ferait pas. Ouais, mais ils peuvent avoir besoin d'un Jedi de temps en temps. Bah, 16 ans, c'est long. C'est vrai, bah oui, là. Faut me dire, c'est moi qui note, hein, donc on faut savoir ce qu'on décide aussi. Et après, Ouais, il y a Natashu qui a dit un truc super cool. Vas-y, je t'en prie. Bah, sur Shmi et Hera, parce que si oui. Ils rejoignent la flotte, c'est vrai que Shmi et Hera, elles peuvent apprendre à être pilotes. Ensemble, oh là là là. Ensemble, genre Shmi, c'est comme la meilleure grande sœur parce que Luke et Leia, ils ont pas le temps en fait. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment une famille pour la petite en fait. Parce que eux, ils sont Jedi. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu à l'écart. Plus intensif. Ouais. Et genre, même s'ils ont plus le temps que. Même s'ils s'accordent, voilà, plus de liberté que l'ancien ordre. Avec la possibilité d'avoir des familles et tout, ça veut pas dire que l'entraînement de Jedi il est pas super intense, surtout pour des jeunes. Koda est perdu, hein, on l'a largué avec les rapports de force entre les différentes parties. Ouais, Matt, on va peut-être. Je pense que. Peut-être que tu feras ça sur le design final, mais juste. Tu penses qu'on peut laisser un trou encore une fois entre les 16 ans genre par exemple le dernier carré que tu vas mettre, là, chimie qui n'est pas sensible à la force, le décaler un peu plus à droite du coup. Bah, c'est pour garder un truc un peu contenu qu'on s'étale pas sur. Que ça reste lisible tout ça, mais en gros tous les blocs qui sont alignés là ils correspondent aux 16 ans en question. Je sais présenter ça autrement. Plus tard, mais l'idée mais c'est non, que mais là pas tout ce qui est aligné là ça correspond à la même période. Donc sur ces 16 ans, elle suit une formation de pilote. Alors c'est compliqué, Mandalore. Alors Mandalore, faut qu'on s'organise du coup, parce que ça. C'est exactement ce qu'ils se disent. Faut qu'on s'organise. Alors les mecs. Un petit brainstorming alors. Ils prennent un tableau blanc et ils écrivent des trucs dessus. Parce que Maul, forcément, il est plus là. On avait dit qu'il s'était fait flinguer, je crois, Maul. Il s'est fait exécuter, ouais. Oui, Windu, il le flingue lui-même, je crois, on avait dit. Du coup, il se retrouve avec quoi? Il se retrouve avec qui? Il se retrouve avec Bo? Non, pas encore. Bah si. Si, Si, Bo-Katan. c'est Bo qui devient Bo-Katan, qui devient temporairement, en tout cas, la chef de Mandalore. Sans personne, en fait, pour venir l'embêter, hein. Donc, peut-être qu'ils vivent en autarcie. Peut-être. Pendant ce Alors, pendant que temps-là. vous réfléchissez à ça, est-ce que je fais quelque chose, moi, pour Depa, Caleb, Raylot, tout ça? Non. Non. Enfin, Non, je sais pas. je sais pas, c'est mineur, on va dire. Dans la timeline, ça aura pas d'impact. Non, on sait pas encore, ça aura un Bah, impact ou si, si on pas. arrive Pour à faire en sorte l'instant. que Erashmi. Mais ouais, peut-être que le fait qu'il y ait Hera qui soit plus une grande sœur pour Shumi que les. Que ses vrais grands frères et grandes sœurs, c'est peut-être Ah, ça, à mon avis, ça découle de peut-être là. important. C'est compliqué de ça parce qu'on mélange la petite et la grande histoire, donc c'est pas évident. Oui, mais la Oui, grande c'est histoire vrai. ne peut pas avancer sans la petite. Ah oui, alors c'est beau ce que tu dis. Faudra qu'on voit où on a laissé Boba aussi. Boba, bah pour l'instant, il prend le Boba, il contrôle fait des sa vie de son syndicats du côté, crime, hein. Ouais. En il est 16 ans, chill. il a dû même, voilà, en 16 ans, il a eu le temps de prendre ce contrôle, quoi. C'est C'est vrai qu'il a, le Boba il sur a. son trône de la fin du Mando, mais Ouais. en plus jeune, quoi. En plus Ouais, riche Il aussi. pèse, Et quoi. Il en moins pèse. cramé, quoi. J'ai compris, il baise au Non, j'ai lieu dit de il il pèse. pèse. Je sais, Il je peut bon, sais. il baise peut-être aussi, hein. Écoute, Ouais, y a pas de Préfère problème, les hein. deux. Faut pas se priver, hein. Du coup, Mandalore, faut que je le casse quelque part. On en a pas encore parlé. Faut que je voie comment ça Est-ce qu'on en s'articule, hein. parle vraiment? Pour moi, ils sont à l'écart, Mandalore, pendant ce temps-là. Pendant 16 ans? Bah, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas s'ils rejoignent la République ou pas. Mais c'est Ouais, vrai pour moi, qu'elle ils est sont pote. affectés. Enfin, pas vraiment pote. Enfin, elle a une relation avec Ahsoka Bo-Katan. Mais je pense pas qu'elle prendrait part à ce conflit-là. Je sais pas. C'est dommage que cette ligne soit déjà refroidie, parce que sinon il y aurait moyen de caser des trucs, mais. Ouais. Et ripé, quoi. Mais c'est Ouais, vrai et juste. que Bo-Katan, elle a beaucoup de liens avec la rébellion de Jedi, donc si à un moment elle doit prendre part, ce serait plutôt avec eux. Ouais, bah bien sûr. Quelle est la différence d'âge entre Bo-Katan et Satine d'ailleurs? Bonne Bah, c'est une question. bonne question, ouais. J'en sais rien. Je pense pas beaucoup, hein, parce qu'elles ont pas l'air d'avoir beaucoup de. Parce que si Obi-Wan passe beaucoup de temps à faire la guerre avec Oh! aux côtés de Bo-Katan. Ah, je vois ce que tu veux faire là. Et si on mettait qu'au bout de 16 ans, il y a un enfant de 7 ans Oh, qui est l'enfant d'Obi-Wan mais arrêtez de foutre des gamins et partout, c'est quoi cet Bo-Katan. enfer? Mais il Mais faut non, mais des tant enfants. mieux! Ouais, Ah oui, c'est plus lourd! C3PO et R2D2, bah, C3PO il a pas été rebooté du coup. Mais R2 c'est toujours. R2, il est pire qu'avant. Ouais, R2, à mon avis, R2 c'est un peu Chopper. c'est un peu le tonton qui dit les gros mots aux gosses pendant que les parents doivent tourner, Hein. C'est ça. R2, Mais il a vous fait la savez quoi? guerre Mais du pendant. coup. Je pense que R2 il planque de l'agneau dans son corps pour Non, Luke. mais du coup, R2, il est plus proche de Shmi que de Luke. Oui, oh, trop bien! Oui, effectivement, on peut prendre ça. R2, c'est Oui! plus le. Et c'est ça Mais qui du coup, on dit. connecte Anakin et Shmi. Oui, voilà aussi, c'est le fait qu'elle pilote qui connecte Anakin et Shmi plus que. Enfin, Voilà. ils n'ont pas Du coup, ils sont. pas le côté force, mais il y a le Anakin, côté il veut pas pilotage, prendre. quoi. C'est ça, il y a eu des soucis et tout, mais. Anakin, il est heureux parce que il voit que. Il peut communiquer avec elle de tuning, en fait. En fait, c'est la petite sœur lesbienne de Leia et Luke. Ils bricolent ensemble, ils bricolent le vaisseau, machin. Mais du coup, Elle Lars fait et des Beru, tags. Lars et Beru vont survivre. Lars, c'est Ouais, leur bah nom de oui. famille. Hein. Pardon, Owen. Oui, ils vont survivre Tout à l'heure, pour on l'instant. voulait les exproprier, quoi. Non, mais pour moi, ils vivaient quand même là. C'était juste Ah, c'était les concierges, que. quoi. Oui, Genre, c'est du ça. coup. Moi, je trouvais ça trop cool Tu comme vois ta idée. ferme là, bah maintenant t'es gentil, tu fais le ménage. Et puis tu sers à manger parce que. Voilà, quoi. Quelle horreur. Ah, c'est bon, il aura de la main-d'œuvre pour faire ses moissons et il va pas nous faire chier. Et oui, et Les si le Jedi au début moisson. des problèmes là, 16 ans plus tard, c'est qu'ils ont plus de ressources et il faut qu'ils aillent sur une planète. Et du coup, Anakin, il a l'idée d'aller sur. sur Tatooine. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont trouver beaucoup de ressources sur Tatooine. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de ressources sur Tatooine. Bah, tu peux faire du commerce. Ouais, du coup, des bouteilles en verre. Ça se trouve, ils ont plus de carburant. Le carburant, ça coûte cher. Et c'est là qu'ils contactent un contrebandier qui s'appelle Han Solo. Je vais me suicider, j'arrive. Bah quoi, il je rappelle qu'il trafiquait du coaxium, Han Solo. C'est vrai. Enfin, l'aube écarlate, mais l'aube écarlate, ça allait sous le contrôle de Boba. Ouais. Bah, Han Solo, il travaille probablement pour l'aube écarlate. Pour Boba, bah du coup, ouais, pour Boba, en fait. Ouais. Bah ouais. Mais du coup, ça peut être lui le lien entre les deux. Est-ce que dans cette timeline, finalement, Han Solo, il s'est pas barré avec Kira? Bah la différence... Non. Bah si. Il peut s'être barré avec Kira, bah ouais, pourquoi pas, oui. Encore plus facilement que... Ah oui, c'est clair. Du coup, c'est peut-être pas, même c'est... encore plus jeune. Ouais, parce que c'est pas l'Empire, mais c'est quand même, bon, c'est quand même la République Jedi, là. Ouais. Mais ouais, il est sûrement... Ouais, genre des Jedi tous les coins de rue, quoi. Bah, en fait, il serait pas sûrement Jedi, devenu un contrebandier avec Kira et il travaille pour Boba, ça change pas grand-chose. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on peut rester là-dessus. Ou alors... Pour éviter, tu sais, les Jedi, ils peuvent décider que, ouais, restez avec nous, on est trop gentils, et du coup, tous les orphelins, ils sont recrutés dans un corps spécial de l'armée Jedi. Non. Et du coup, les orphelins de Corellia et les trucs comme c'est ça, ils chelou, ont été... Corellia, ouais, c'est quand même vachement... c'est sous la République, hein. Il aurait fallu qu'ils libèrent la planète ou qu'ils se pointent en disant, hop, on emmène tous les orphelins. Je parle de ah, méchants. Ah pardon, hein. Pardon, oui, bah oui. Je parle des méchants de Windu pour montrer, regardez comme on est gentil. Vous aimez pas la République, tout le monde aime la République. Les Windows là. Oui, c'est ça. Les Windows. Ils sont 98. Alors après, ils vont sûrement sélectionner les enfants sensibles à la Force, même ceux qui ne le sont pas assez pour faire des sous-troupes Jedi, probablement. Mais Han Solo, il a aucune raison d'être pris. Mais non, mais c'est juste. Luke Leia, il n'y a pas d'académie impériale. Et en même temps, ça fait un truc en mode. Voilà, personne n'est laissé de côté dans la République et on vous trouve un truc. Et du coup, genre, il fait partie, je sais pas moi, il peut faire partie du staff d'un temple ou d'un truc comme ça, mais. Vu que c'est un bon pilote, il peut faire partie de genre de l'armée de pilotes. Je le vois plus bosser pour Boba quand même. C'est Anne, merde. Quoi. Peut-être qu'il a appris à piloter avec eux. Mais s'il a pas eu le choix. Ouais. Il se serait barré. C'est Anne, quoi. C'est Solo. Il le prend, quoi. Oui, d'ailleurs, on rappelle que Anne, avant de devenir contrebandier et tout, il intègre l'académie impériale. Oui, mais il se fait jeter, mais... Il se fait jeter parce que c'est l'Empire. Mais moi, je le vois bien se tirer de lui-même, hein, en vrai. Moi aussi. Je mais vous voulez pas qu'il soit méchant et qu'il y ait un truc où il... Non. Il est... Mais non, Han Solo, il est gentil. Mais moi, je le vois bien faire le lien avec les autres. Tu veux que ce soit qui fasse le lien d'Ash Rendar? Oh, bonne idée. Non. Non, non, non, non, non, non, non. Mais on n'est pas obligé de mettre tout le monde. Pas, hein, pas d'Ash Random. Non, pas forcément Kodaleya. Bah là, typiquement, Anne, il y a des chances quand même qu'il se soit barré de l'Académie républicaine. Ouais, c'est une bonne idée, ça Natasha Chouy. Avec pour retrouver Kira. Et là, il bosse pour Boba Fett, mais lui, il est avec Kira, donc il n'y a aucune raison que pour Solo. Solo se questionne beaucoup sur ce qu'ils lui font faire dans l'Empire, quand même, je le rappelle. Si chez Windu ils lui font faire des saloperies, il va finir par se tirer. Ils lui font pas faire des saloperies. Non, tu veux qu'il lui fasse faire quoi? De quoi? Tu veux qu'il lui fasse faire quoi? Il va forcément se battre avec la rébellion rebelle ou avec les séparatistes, donc il va forcément faire des crimes de guerre. Bah, ils font pas forcément des crimes de guerre, les Jedi. Mais il est pas Jedi. Justement, c'est la différence. Mais non, mais c'est les Jedi qui sont au contrôle du truc. Bah, pour moi, les Jedi c'est sont censé être une théocratie. Pour moi, les Jedi, oui, mais pour moi, ils sont extrémistes quand même. Ils sont. Ouais, mais au point de faire des crimes de guerre, je sais pas. Bah, pour moi, ils sont quand même totalitaires. C'est, ouais, enfin, ils sont totalitaires. Windows, c'est une sorte de Staline de l'espace, hein, dans l'idée. Par contre, Han Solo, je l'imagine mal rester dans une armée totalitaire, c'est ça. Et pas se questionner, et pas se barrer, et pas essayer de mener ouais. son chemin mais à lui. Quoi. Qui, justement, ça peut être ça l'histoire. Justement, il fait partie du truc, et puis il a quelques conflits en tant que pilote avec les chemis et compagnie. Et puis. Dites-nous ce que vous en pensez et, dans le et chat. Et puis il finit par, je sais pas moi, par discuter avec eux ou un truc comme ça. Vous vous rendez compte que, attends, les gens ils essayent juste de vivre en face en fait. Ils essayent pas de nous, oui, bah, du nous coup, assassiner, c'est le... des trucs comme ça. Et oui, bah, après du coup il fait quoi? Il devient contrebandier. Ou alors il rejoint directement les. Ouais. La... Bah, je voulais que ça fasse une connexion avec la pègre, en fait, c'est pour ça. Mais ouais, moi si aussi, veux. Et puis en fait, je l'imagine beaucoup plus se dire non, c'est pas ma guerre, fuck this. Et comme il l'a fait d'ailleurs. Il est quand même assez indépendant. Hein, ouais, mais il y a. Comment elle s'appelle? On suppose que dans cette timeline, là, il est toujours avec. Mais Kira, elle est comme avec lui, Kira. Parce qu'ils sont partis ensemble, et puis. Oui, mais Kira, elle est comme lui, justement. Hein. Et puis s'il est resté dans l'armée machine là, enfin, il a peut-être pas vu depuis un petit moment aussi. Hein. Ouais, en gros, ouais, donc il prend sa retraite anticipée. Moi, je le vois, bah, il peut se tirer avec un vaisseau et puis il se casse quoi, faire sa vie. Et il est recherché du coup. Mais pas tout seul vu qu'il a, il est avec Kira. Bah, il se barre, il retrouve Kira quelque part, il retrouve ou il se barre avec elle parce que potentiellement Kira est aussi dans l'armée. Hein. Pour répondre à Vatkram et Kodalaya, pour moi, dans l'idée, Windu, c'est quand même le mec qui estime que les Jedi sont au-dessus des gens. Et quoi. Enfin, oui, c'est ça. Il est, enfin, c'est pas le méprisant le terme, mais voilà, enfin, ils sont clairement là pour. Ils ont besoin pas d'aide. Pour servir, mais ils ont besoin. Voilà, ils ont forcément besoin des Jedi pour exister. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, tout à fait. Il faut. Pas Hitler. Il est pas activement mauvais, mais il y a un gros culte de la personnalité sur lui dans cette république, enfin quand on est cette théocratie, on a dit c'est un ordre Jedi très plus religieux qu'avant, vraiment porté, enfin qui met vraiment genre la force au-dessus du reste encore plus qu'avant, enfin et qu'il a déifié même quelque part incarné dans Windu. Et ouais, c'est le pape en fait, hein. Mais le pape guerrier. Ouais, limite, je me dis pas qu'il. Tu crois qu'il aurait pu dire que genre je suis l'élu en fait, c'est moi l'élu? Ah, c'est pas oui, non, c'est vrai. Non. Oh putain, non, mais c'est une super idée parce que c'est lui. Genre, c'est moi l'élu, je vais. Oui, il a vaincu le Sith, donc c'est lui l'élu, c'est lui l'élu de la prophétie. Oh, il a rétabli l'équilibre et du coup, il est en train de rétablir l'équilibre en se mettant sur la gueule les anciens Jedi. Bah ouais. Il y a ce côté. Voilà, ce côté. Très très très mise en avant de sa personne, son ordre Jedi est encore plus strict qu'avant, et pour moi la population il pourrait pas exister sans lui et sans les Jedi, donc ils sont vraiment là juste là pour servir plus qu'autre chose quoi. Il y a un mépris de la population, peut-être pas de la fin, remarque-t-il de la vie, j'allais dire une connerie, mais en fait je te rappelle dans les bouquins c'est Windu qui dit qu'il faut aller assassiner Dooku, genre qui envoie exprès un Jedi se foutre dans le côté obscur pour aller buter Dooku. Alors sanguinaire, tu vois, il y a une notion, oui, il vire dictateur complètement, probablement un peu sanguinaire, sanguinaire avec peut-être pas dans le côté cruel, sadique, voilà, qui recherche là, mais les moyens. Voilà, genre il faut ce qu'il faut, quoi. Enfin, tu sais, il est en mode, j'ai bien prouvé que c'était lui le site et qu'il fallait pas le laisser en vie. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais laissé en vie? Genre ça fait un mal pour un bien, je pense, dans l'idée. Il va forcément justifier en disant oui, mais il faut ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre, ma bonne dame. Donc s'il faut tuer des gens, bah écoute, ils sont du mauvais côté en même temps. Ouais, donc, en plus. Voilà, enfin, dans l'idée, je le voyais comme ça. Non, il deviendra jamais un Sith. Pas un Sith, il va être aussi absolutiste peut-être qu'un Sith, mais il va être. Ou faire des trucs qui pourraient correspondre à ce que ferait un Sith, mais vraiment dans l'idée qui sert le bon lui. Côté, qui sert le côté. Alors, ouais. Il est sûrement il très borderline. De toute façon, c'est l'ordre Jedi. Mais pour lui, il fait le bien. Il est toujours suivi par l'ordre Jedi de toute façon. Voilà, c'est ça. Qui le suivent, ça passe ou ça casse quoi, vraiment. Il y a une grosse ambiance de merde, je pense, dans les temples. Hein. Tout le monde se surveille les uns les autres. S'il y en a un qui émet une mauvaise opinion, c'est signalé, c'est remonté. Enfin, je vois bien un truc comme ça, quoi. Et il y aurait probablement des inquisiteurs, mais sauf que cette fois, c'est pas ça serait des inquisiteurs Jedi, quoi. Ouais, mais ça s'appellerait pas comme ça, quoi. Ça serait. Mais pourquoi pas? Inquisiteur, ouais, pourquoi pas, hein. Plus, oui, mais plus dans l'idée, tu vois, c'est présenté, genre, c'est les guides, plus, tu vois, pour te ramener vers le côté obscur, vers la lumière, quoi. Des sortes de missionnaires, en fait. Oui, Mais peut-être, en oui. Je plus veux. vénère. Mais dans l'idée, je le voyais comme. Enfin, moi, pour moi, Windu et tout son sbeul, je le voyais surtout. Enfin, je le voyais comme ça, quoi. Tout Des ça juges, pour. en fait. Des juges Jedi. Ouais. Voilà. Oui. C'est Judge Dredd, mais. Mais avec Mace Windu, ouais, C'est c'est ça, ça. I am the law. En fait, t'as Samuel Jackson qui dit, I am the fucking law. C'est ça, c'est exactement ça. Motherfucker. I am the goddamn law. J'imagine trop, putain. Repeat after me, C'est humanitaire. motherfucker, I am the fucking law. The force damn law. Vous voulez qu'on se fasse traquer, vous, avec vos insultes, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est un je voyais un site humanitaire, et donc c'est un peu l'inverse, c'est le Jedi totalitaire, ouais, mais en vrai, les Jedi, ils sont déjà sur cette voie-là. Ouais, c'est le prolongement de ce qu'on avait dans ça serait l'épisode un 3. prolongement, voilà, c'est Un ça, ce prolongement serait un extrême prolongement extrême. de. Tu reprends tous les. Enfin, c'est assez visible justement à travers Windu, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu reprends tout ce que dit Windu et la façon dont il le dit et ses actes, et tu amplifies tout ça au maximum en J'aimerais lire un extrapolant. truc, ça. La Fédération du commerce et les connards à geek. Ah, j'ai marqué ça! Dans les Dans la un des Fédération derniers plus bleus. tel quel. Ah, bah c'était plus court à écrire. Mais du coup, on peut noter ça sur le que devient du coup l'ordre Jedi qui guide la République. D'ailleurs, il y a des peintures hein, de l'ordre Jedi guidant le peuple. C'est Windu à poil avec une bonnet phrygien. Alors C'est ça. comment je mets ça en, je mets ça moi, comment je présente ça? Bah, j'ai l'impression que c'était dans les trucs bleus. C'est vieux, c'est vieux, c'est En fait. le violet, non? Le violet, oui, pardon. C'est la trame de Mon Windu, le violet. ordinateur. Mais du coup, comment Du coup, t'as mis la rébellion Jedi dans le mob. Effectivement, il faut que je mette ça en rouge. Exactement. Tout à fait. Ouais. Je vais procéder. Mais du coup, donc, alors, je mets un petit pavé sur Windu. Parce que bon, on avait déjà évoqué plein de trucs comme ça, mais on ne l'avait pas marqué précédemment. Ah ouais, vas-y, let's go. Bon, je vais essayer de trouver comment je peux formuler ça, passer à autre chose. Et puis dites-nous si vous voulez qu'on insère quelque part Anne aussi, hein, parce qu'il faut que ça avance tout ça. On n'a quasiment rien fait depuis tout à l'heure, ça fait déjà plus d'une heure qu'on tourne. Hey, mais le grand inquisiteur, il est canon encore, oui. Oui. Et c'est un ancien Jedi, pour le coup. Ouais. Oui. D'ailleurs, c'était déjà un inquisiteur quand il était déjà chez Jedi. Bah, C'était c'était un garde un. du Non. temple. C'était un garde du temple, ouais. Ouais, c'était un garde du temple, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, lui, il peut devenir voilà, commissaire ou un truc du genre, quoi. C'est ça, ouais, il va totalement. Ouais, il va briller, lui, je Il va pense. s'y plaire, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, il va être content, y a pas de soucis. Windu, il le repère et fait toi. Toi, tu t'aimes bien, toi. Ordre Oh, Jedi toi! guide Toi, mon le coco! peuple, incarné par. Incarné par l'élu. Voilà, L'élu autoproclamé. voilà, c'est ça, autoproclamé. Pauvre Windu, mais il est beaucoup plus intéressant que dans la trilogie la prélogie originale. C'est Ouais. clair. Tu mets ça comme ça? Je me demande qui aurait collaboré comme ça, comme des gros sacs là. Oh, on en avait cité plein, je crois. Il y en On avait en avait plein. mis plein. Qui a dit Mais il y en Moody a là? plein qui On sont avait dit faux. qui a dit Ah, qui a Moody, dit c'était c'est une un grosse. gros facho. Ouais. Grosse merde. Pour ça. Mais du coup, voilà, il y a aussi, du coup, on peut mettre. J'aime bien le truc des juges. C'est la même chose que les inquisiteurs, hein, techniquement. Ben ouais, mais c'est les En juges, ils gros, font la loi, quoi. C'est les Jedi, mais qui ressemblent plus à des espèces de. Vous l'appelez ça des juges de ou, soldats. Ou des commissaires ou des. Commissaire, ouais, ça fait très stalinisme, on va dire, mais. Ouais, ça fait un peu vieillot aussi. Des guides, on peut. Genre, c'est très ouais, les guides. Mais... Oh, les arbitres. Ah ouais. Les arbitres Jedi. Oh ah, mon dieu, ça marche trop bien. Les arbitres Jedi, ça il me faut, bien. Il me faut un truc comme ça où ils sont en armure, tu sais, en mélange d'armure clone avec, mais tout en blanc. Ah ouais. C'est en gros, c'est les inquisiteurs, mais avec leur partie d'armure, oh leur là casque là et tout, mais et leur cape, mais tout en blanc. Mais en fait, c'est les gardes du temple principalement. Bah, c'est ça, les gardes perso lui-même, hein, je pense. Bah, typiquement, les armures qu'on voyait avec les gardes du temple, avec le grand inquisiteur et tout, c'est des armures toutes blanches avec. Ouais, c'est ça. Elles étaient bien. Est-ce qu'ils ont un masque ? Je veux ça. Je veux les voir. Là. Est-ce qu'ils ont un masque ? Ou sous ordre directement. Oui, sous ils ont ses un ordres. Masque pour moi. Ah. Sauf les chefs, quoi. Oui, voilà. Ouais. Des masques blancs et or. Le premier arbitre. T'as l'arbitre du second poteau là. T'sais, dans la rue, t'as l'arbitre des gens qui traquent sur les murs. Oh, je suis de l'arbitre. Disons à. Anakin qui fait ça. Je suis les arbitres. Ah, pour de vrai, dans la rue, t'as des gens qui taguent en orbèche Ajab. Old Jedi en fait. Je suis tellement. Ça y est, je suis re-ultra hypé pour ce qu'on est en train de faire. C'est alors, genre... on a écrit 4 blocs hein, depuis le début. Hein. On a presque rien écrit, mais c'est juste tellement ouf. C'est pas grave, au moins, c'est plaisir. Qu'est-ce qu'on lui donne dans le chat, je suis en train de... Windu a une statue de lui au-dessus de tout le monde comme Voldemort. Bah, il a clairement une statue sur Coruscant. Hein. Tu sais, la grande place. Bah, c'est je sais plus comment quoi. Elle s'appelle, la place où il y avait Palpatine. Bah, voilà, ici. Pas se faire chier. Hein. Je vois comme ça, mais comme tu as posté. Comment il s'appelle ? Ika. Ika. Salut, c'est moi, avec... je suis nouveau dans le podcast. Avec des parties d'armure. En vrai, même pas comme ça en fait, pas du tout comme ça. Vraiment plus comme les armures d'inquisiteurs. En fait, exactement comme ça, mais pas du tout comme ça. C'est ça. C'est ça en fait. C'est de la merde. Mais oui, en blanc et doré, par contre, exactement ça. Il y a un petit qui vient de glisser derrière moi et de me tirer les cheveux en tombant. Salut, Tuki. Bonjour, Tuki. Bonjour, Tuki. Bon. Hop là. Du coup, moi, j'ai écrit okay. Le truc sur les arbitres, là. Ouais. Donc là, par rapport à ce truc-là, on est bien. Du coup, c'est eux qui vont mener la guerre principalement. Ah, pour moi, c'était surtout je eux qui... plus qu'on avait dit. Pour moi, c'était la police politique entre guillemets de l'ordre, enfin la police religieuse de ouais, l'ordre. Mais c'est oui, eux, c'est ça. C'est aussi eux qui aussi chassent eux... les Jedi et rebelles, je pense. Ah oui, on peut le mettre. Oui, comme ça. Oui, mais du coup, c'est pas qu'ils mènent la guerre. C'est pas des généraux, quoi. Non, mais non. Non, mais excuse-moi, oui, je me situe. Hein, tu as raison. Maintenant, les généraux, c'est quand même les maîtres Jedi. Oui, je pense comme avant, quoi. Mais attends, qu'est-ce qu'on avait dit qu'ils faisaient des clones Windu? Bah, ils les conservent. Il y a eu des mutineries, mais d'autres, ils sont encore là. Hein. La plupart des autres sont encore ouais, là. Ouais, voilà, je pense. Donc ils ont toujours les clones avec. Voilà, les clones restent la main armée de la République Jedi. Après, au bout de 16 ans, les clones, ils doivent être un peu vieux. Il y a des nouvelles générations. Ah oui, mais ils ont pas de nouvelles générations. Non, parce qu'on a détruit les installations. Du coup, ils sont peut-être après Boba. Et Omega. Comment ça? Bah, ils essayent de les retrouver pour pouvoir les refaire. Ou alors, est-ce qu'ils prennent une nouvelle souche? Ou alors, simplement, est-ce qu'ils enrôlent pas... Non, mais ils enrôlent pas du... Bah, comme tu disais, les orphelins, les gens... Ah, mais je croyais que vous étiez pas d'accord pour ça. Bon, alors, on fait un sondage. Sondage. Et est-ce que la République Jedi, elle cherche à refaire des clones et à foutre la main sur Omega, pardon? Ou Boba? Où ils enrôlent les civils. Tu peux faire ça, Ika? Je suis en train. C'est parfait. Mais non, tu devrais être chez toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais il a le droit de voyager. Dans les du coup, dans ils les ont aussi il a aussi accès à toute la fédération, toute la production de droïdes qui est de la fédération qui... Oui, la fédération du... oui, d'ailleurs, la fédération du commerce prend, qui les a rejoints peuvent refaire des nouveaux droïdes, effectivement. Oui, ouais, mais comme ils n'ont pas d'endroit, c'est pour ça qu'il faut qu'ils se trouvent un endroit, une planète, quoi, pour se mettre. Ouais, ils peuvent faire ça. C'est... ils peuvent faire ça où ils veulent, hein, je pense. Il faut trouver une fonderie. Bah oui, mais ils peuvent pas faire ça directement sur les vaisseaux, c'est ça qui est venu. Ah oui, non. Attends, on parle bien de la théocratie Jedi, là. Oui. Non. Moi, je parlais des autres, pardon. Ah, ah non, oui, moi, je parlais de la théocratie, oui. Donc, des clones ou des civils enrôlés, c'est parti. Le sondage est lancé. Hop là. Parfait. Et t'aurais dû mettre les deux. Ou les deux, oui, vraiment. On verra selon les résultats. Non, mais c'est plus simple si c'est qu'un seul des deux. Soyons plus simples parce que là, on... c'est tellement vaste. Tes sondages sont toujours très très de qualité, Lucas. Voilà, je tiens à te le dire. Mais je suis de qualité. Ah, ouais, enfin, ça reste à déterminer. C'est certain. Nalassé va quand même la sortir de là en engageant Fennec. Oui, on peut reconnecter que Fennec. Mais non, parce que Omega, elle avait pas été Rex. Omega était restée auprès des Kaminoens, qui ils ont été récupérés par le commando. On peut considérer qu'elle est partie avec, hein, Nalassé en l'occurrence. C'est ce qu'on avait dit. Hein, ouais, de toute façon, Omega, elle est exfiltrée par le commando clone. Des clones qui ont rejoint la rébellion de Jedi. Est-ce que je dois préciser et les scientifiques de Kamino aussi? On va préciser Omega et les scientifiques, voilà. Ouais, c'est... ouais, ils vont pas genre buter les scientifiques. Quoi. Tiens, il a raison. Et alors, quid de Babou Frick alors? Alors, en fait, c'est lui le grand méchant, trop laisse boss. En vrai, quand il pense Babou Frick, c'est juste une faute d'orthographe de Boba Fett. Hein, donc... C'est vrai, putain. Ça ressemble pas du tout, mais. Bah, si. Dans la sonorité, il y a un peu de ça, tu m'excuses. Bah, oui. Bad Batch, oui, on avait dit un truc du genre, je crois. Oui, on a dit qu'en fait, on n'en parlait pas parce que sinon, Adrien, il ne va pas s'arrêter. Ouais, Crosshair restait fidèle à la République et devenait un général voilà, dans la garde de Windu. Bah, du coup, ça doit être le seul parce que les autres, c'est les Jedi. Du coup, on peut peut-être changer ça. Mais le Bad Batch, non, le Bad Batch rejoignait Boba Fett. Pardon. Je ne sais plus pourquoi on avait dit d'accord. Ça. Mais, parce qu'ils étaient devenus mercenaires, en fait. Ouais. Et puis, on ne savait pas quoi en foutre. Ouais, et puis comme ça ils reviendront et là ils serviront à des trucs à la fin. Bah, non, ils sont sûrement morts. Ils sont bientôt morts. Donc, bêtes comme ils sont, ça m'étonnerait même pas. J'avais oublié qu'on avait fait. Vous avez remarqué qu'on aimait pas trop Crosshair. C'est con parce qu'il le tient son personnage, hein. Il est chouette, mais. Est-ce qu'ils vont rencontrer Omega? Bah là, ça fait 16 ans, ils l'ont pas rencontré. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'elle a deux autres papas, Omega. Elle a Rex et Cody qui sont ses pères en fait maintenant. Cody qui n'est pas un connard du coup. Bah non, c'était pas un connard avant de. Oui, c'est vrai. Mais du coup, comment on avait géré cette histoire de puce, excuse-nous, parce que je me souviens plus, et puis j'ai vu que dans le chat... Il n'y a pas d'ordre 66 et personne ne le découvre, en fait. Exactement, donc ils ont toujours tous leur puce, mais personne ne le sait. Bah, c'est ça, oui. De toute façon, ça servira à rien. Il n'est pas activé. Donc... Bah, peut-être qu'ils vont rencontrer Omega, j'en sais rien, on verra. Ça dépend si on arrive à reconnecter avec Boba, là. Ils veulent pas reconnecter Adrien, avec Boba avec Han Solo. Adrien, il a dit qu'il y avait un truc avec Omega dans ses tweets, il a menti, ce bâtard. Si, Omega, ils sont... Ah mais non, ça c'est ce que mais tu non, viens pas de shooter. J'ai juste dit qu'il n'y avait pas de Bad Batch dans mes tweets. Pour une fois que t'as pas menti. Mais non, mais t'as parlé d'Omega dans tes tweets, Adrien. Oui, ça lui paraissait essentiel. Je te jure. Omega, okay. Adrien, quoi. Le sens des priorités. Il faudrait maintenant essayer d'imaginer des événements... Ouais, quelle est l'histoire de 16 ans plus tard? Quel est l'élément déclencheur du fait que ça va bouger? Et du coup, le sondage, ça donnait quoi? Excusez-moi, j'ai pas suivi. Que je sache ce que je dois écrire. Que c'était une armée de civils enrôlés. Donc, très bien. Bah, du coup, voilà. On va pouvoir avoir ton solo. Voilà. en solo dans l'armée de la République Jedi. Très bien, je note ça et puis voyez pour les événements pour l'instant, parce que du coup on avance. Hop hop hop. Mais oui, Kodaleya, effectivement, des clones où la puce pourrait déconner au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Après, de toute façon, au bout de 16 ans, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de clones au combat, hein, de toute façon. Ouais. C'est des papilles hein, au bout de 16 ans. Ah ouais, on a déjà vu Rex et Cody. Pas Rex et Cody, mais enfin tous les vieux clones. C'est horrible votre crâne comme fin. C'est tellement dramatique. Fatkram, il proposait qu'à la fin, Anakin soit face à Windu et que les rebelles déclenchent l'ordre 66 pour vaincre Windu, mais Anakin se sacrifie du coup. Non, moi je veux que tout le monde. C'est beaucoup trop dramatique. Non, parce que c'est Boba qui doit finir ouais, Windu. C'est Boba ouais, qui je suis d'accord, c'est Boba qui doit arriver, qui doit avoir Windu. Par contre, Anakin il va mourir. Obligé. Anakin il va mourir, je pense. Non mais si. Juste si pour emmerder Adrien. D'accord, mais Padmé a survie. Bah non, elle meurt de tristesse. T'es obligé. Hein. Alors. Et en fait, après, ça serait marrant entre... que Anakin, il perde ses membres, il soit brûlé, et du coup, il devient une espèce de Dark Vador, mais il est resté du bon côté, tu vois. Light Vador. Light Vador. Mais c'est le Dark Vador tout blanc merdique là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a une pop comme ça, non? Avec les mêmes sapes que Luke dans l'épisode 9, là. Il n'y a pas juste une pop, il y a même des comics. Hein. Enfin, ah ouais, ah comics, oui, oui, ça me dit un truc. Ce qui est rigolo, parce que je voulais mettre ça dans ma parodie, mais il y en a un qui est plutôt stylé, où il n'est pas tout blanc, je viens de voir. Hein. Un fan art où... Il est pas tout blanc et c'est beaucoup plus intéressant, mais... Bon, pendant que vous faites vos trucs, moi je vais mettre Han Solo quelque part. Natashui nous dit que ce serait bien qu'Anakin meure en sacrifiant Leia et Luke. Mais moi je trouve que ça serait encore mieux qu'il se sacrifie en sauvant Shmi, qui du coup s'est toujours senti un peu détaché de sa famille. Et même détaché, enfin genre un peu négligé par Luke, enfin par Anakin. Et du coup Anakin se sacrifie quand même parce qu'il aime sa fille, quoi. J'adore quand même comme on assume de base, comme on assume, non ça c'est de l'anglais, comme on imagine de toute façon de base Padmé et une super maman, alors que c'est dans la vraie vie, c'est une connasse qui a préféré crever parce qu'elle était triste que son mec soit mort, plutôt que de rester et s'occuper de ses enfants. Est-ce qu'elle a fait exprès? Bah clairement, ils disent, elle a perdu la volonté de vivre. C'est vrai, ouais. Mais est-ce que c'est... Ouais, non mais enfin, c'est compliqué aussi. Hein. Quand tu veux c'est pas d'enfant, mais que c'est interdit le... Comment ça s'appelle ? L'avortement, et du coup, tu te forces à laisser les enfants naître, mais toi, tu veux pas avoir des responsabilités, alors Tu t'avortes toi-même. Tu m'auto-avortes. C'est horrible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible ce que je dis. Mais je sais pas, j'essaye de meubler. Mais trouver des trucs. On avait dit des événements. Trouver des événements. Attends, t'es en train de noter 1000 trucs. Oui, bah je m'occupe. Alors, juste un truc. On n'est pas obligé de le marquer. Parce que vous allez me dire, Adrien, tu veux mettre tout le monde et tout ça. Le truc. Mais. Oh, ça va être claqué au sol encore. Non, mais t'es où? Arrêtez. Alors, non, mais. Qu'est-ce qui se alors? Non, alors, qu'est-ce qu'on en parlera plus tard, si vous voulez. Non. Mais là, je pensais à Ezra. Docteur Aphra. Pensez à Ezra et à sa famille. Mais est-ce Ezra, que. Coup... Il va juste rejoindre l'armée de la République et devenir un Jedi dans l'ordre Jedi, quoi. Mais aucunement, parce que ses parents, déjà, ses parents étaient contre, genre, l'Empire. Tu dis qu'il pourrait pousser contre une forme de totalitarisme. C'est pas la même forme de totalitarisme. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que l'Empire, il était vraiment in your face. Eux, non. Oui, c'est vrai que c'est présenté de façon positive au peuple, quoi. Du coup, Ezra, il va devenir. Ça a été aussi le cas sous l'Empire. Hein. C'était genre, c'est pour vous protéger, pour garantir la paix dans la galaxie, mes couilles. Hein, donc, ouais. Mais le truc de Han, ça se passe pendant les 16 ans, hein, Matt. Ouais, on est d'accord, Bah, c'est je mets pas ça avant. comme ça, oui, pardon. Oui, c'est juste que je suis pour le mettre, alors je l'ai C'est mis au là où. milieu. Enfin, t'as raison, laisse-le là. Non, mais Tout c'est bon, c'est bon. tout comme les arbitres et tout ça, c'est pendant les saisons. Oui, bah tu vois, regarde, c'est. Bah, les arbitres, il fallait bien que je les mette à côté. Hein. Eh oui, mais bon, pas le choix, je Sinon, je comprends. peux. Sans que tu verras avec ta frise après, à mon avis. Du coup, il va falloir qu'on Oh, fasse je vais une pas tout partie refaire, hein, ça 3 où sera on pareil. continuera vraiment. Ah, parce qu'il est déjà 22h30, on n'a pas beaucoup avancé, donc. Non, c'est vrai, Hop, ouais. hop, hop, là. Bah, on a beaucoup avancé, mais on est en train de mettre des bases C'est du solides. contexte qu'on rajoute, hein, c'est. Ouais. Voilà. Ah, le JDG serait fier. Pourquoi? Ah, Pourquoi tu putain, n'as merde. pas de texte? Oh putain. J'avais pas besoin de ça. Mais lui, il en Je avait me vraiment solidarise besoin. complètement de ce que dit Grushkov, hein. Je tiens à le dire. Du coup, je vais faire mon Adrien, mais Ah Etrone bah. dans tout ça. Ah Mais bah, on tu sais s'en quoi? Je ne fout. sais pas le dire. Je ne sais pas le dire parce que vous êtes tous méchants. Alors Il a maintenant, dit quoi, je vais faire pardon? semblant de te juger Mais alors qu'en fait, il parle de je. Throne alors qu'on est déjà bien assez occupé là. Bah, On c'est a. clair. Si, alors, On on l'avait en pas a dit la dernière parlé. fois, on avait dit On en a Nozef. parlé, on a dit qu'il n'en avait rien à battre et il se barrait. Oui. Genre, il se Il dit, oh, c'est pointe, il quoi fait cette all, république c'est de ça, cons? oh, c'est quoi ce bordel, je me casse. Je veux rien avoir à faire avec eux. Au moins sous l'Empire, les croiseurs arrivaient à l'heure. Il se retrouve dans l'univers de Star Trek. Voilà, c'est fini. Voilà. Ouais, en gros, pendant les 16 ans, Anne, il rejoint l'armée et après il se barre et Il rejoint et la avec pègre. Kira, il rejoignent la pègre. Bah, je vais faire Ouais, c'est ça. ça et puis je vous laisse trouver des événements militaires un petit peu, faut qu'on avance de ce côté-là, Bah, ils peut-être. deviennent pilotes, quoi. Ils s'en foutent de ce qu'ils font du moment qu'ils pilotent. Au Ils moins, sont sous dans leur l'Empire, les domaine. croiseurs arrivaient à l'heure. Mais là, du coup, ils ont quoi comme vaisseau? Parce qu'ils peuvent pas voler celui de Lando. Ils ont l'Outrider. Ah, parfait, ils ont l'Outrider. Non, Ah oui, le je vaisseau pourri qui explose là dans Vision. J'ai pas vu moi encore, merci pour le spoil. Non mais, Non mais c'est pas pardon. grave, non mais c'est pas grave. Désolé le En chat pour parlant le de Vision, on spoil. en parlera la semaine prochaine, si tout va bien. Ah ouais? Parce qu'on avait dit? De Non, quoi? moi ça me va. Hein. Bah Vision, on n'en parle pas la semaine prochaine. Bah si, Oui, c'est pas si, si, Vision. si, Voilà, la bah semaine prochaine, je dis pardon. juste au Ouais, chat, parfait, donc parfait, que, dis-moi. à nos viewers, que donc la semaine prochaine on parle de Vision. On s'est dit qu'on allait se garder un peu de temps pour digérer tout ça tranquillement. Et puis Ne vous pas inquiétez binger pas, hein, comme des c'est oufs pas pendant important 3 ce que jours j'ai dit. pour prendre des avis claqués au sol. Moi, j'ai Moi, il mis m'en genre manque encore 2 à 2 heures. voir, je crois. Et puis je pense que ça nous a vaccinés d'enchaîner tous les bad batch, donc là on se dit Ouais, c'est clair. Oh, ça fait du bien. bah justement, tu vois, j'ai pas spoilé Codalega parce que ce que je disais, c'était dans l'épisode 4. Ah bah je l'ai pas vu encore, j'en suis au 3. Et Bref. Chewbacca dans tout ça. Mais je sais pas. Je Hein. plaisante, je plaisante, je plaisante. Ben, Kashyyyk fait partie de la République et puis c'est tout. Bah Alors oui, là, c'est je veux ça. pas vous casser. Il Je veux. sur Kashyyyk, il est tranquille. vit sa vie avec sa famille, putain, vous pouvez pas lui foutre la peine. Non, non, c'est C'est ça, vrai qu'il a une laissez-le. famille, ce connard. C'est vraiment le pire, Adrien. Non, mais j'aime beaucoup Chewbacca. Mais moi, quand j'ai appris ça, il y a même pas un an, je me suis dit, ah, parce que je pensais qu'elle était plus canon, sa famille. Mais si! Et Bah je me bien suis dit, mais sûr. c'est affreux, mais va les voir, connard! Mais il essaie de Et faire tu que crois ça qu'il pendant fait 3 quoi pendant les bouquins 30 en ans? riposte. Bah même, il est pas Tu assez. sais même pas de quoi tu parles, Adrien. Arrête! Je m'en fous, il n'empêche que on aurait dû voir Ben et le fils de Chewbacca ensemble, voilà, c'est tout. Mais le fils de Non Chewbacca est mais. déjà vieux. Bah justement, Ben aussi. Non mais plus vieux. Alors Chewbacca il a 200 piges, ça n'empêche pas de traîner avec Rick en a 19. Hein. Solo, il Oui. déserte l'armée parce que il veut être indépendant ou parce qu'il a vu des trucs qui lui plaisent Non, pas. parce qu'il a vu Non. les trucs qui étaient chiants et il se fait assez d'argent pour se payer un vaisseau. C'est vrai que. Ouais, peut-être que c'est parce qu'il veut être indépendant Moi, je pense aussi. qu'il vole un vaisseau en se barrant. En fait, il déserte, Ouais, il Ah prend, oui, il il pique un déserte. vaisseau. Hein. Hein. Il Oui, déserte mais il l'armée vole alors quoi qu'il comme avoue. vaisseau? Bah, un truc à la con qu'il revendra plus tard, mais. Un U-Wing. Mais non, ça n'existe pas, Bah, une putain. navette lambda, un équivalent de navette. Une navette lambda. Voilà. Ils auraient pu appeler ça une navette random, ça aurait été pareil, mais. Ouais, c'est ça. Solo déserte l'armée pour divergence d'opinion. Je sais pas Parce comment qu'il en a formuler ça. marre. Hein, pour se lancer. Pour, je sais, juste pour devenir pilote, quoi. Pour être libre avec sa Par besoin gonze. d'indépendance. Bah du coup, Voilà. il va la retrouver en fait. Et puis elle est déjà dans les bails sombres avec Boba. Mais non, pourquoi? Ils Mais sont je sais. partis Mais tu veux ensemble. qu'elle ait... Mais oui, mais tu crois que dans l'armée, on te dit ouais, tu peux rester avec ta pote, c'est bon, vas-y, avec ta go. Bah non, mais il sait où elle est. Il sait où elle habite, c'est Il lui prépare un Mais tu plan crois et qu'elle est le met restée en avant et ça lui permet de pendant partir. plusieurs, Il a plusieurs son années menu. à... crois qu'elle est restée pendant plusieurs Non années à mais l'attendre? ils doivent pouvoir Ben non, mais elle communiquer pouvait ensemble. faire autre chose. Ah mais il a À son mon avis, menu, c'est ils bon. peuvent communiquer via l'holonet et tout, c'est pas le problème, ils Pourquoi ont fait la elle mission. aurait sombré dans les bails sombres Mais parce qu'elle direct? avait déjà sombré dans les bails sombres avant. Mais parce qu'elle s'était fait racheter par l'aube Mais à écarlate. voler des trucs pour l'asticot là. J'avais plus son nom, Lady Proxima, pardon. Mais parce qu'ils étaient orphelins depuis toute leur vie, Coco enfin, l'asticot. Oui, mais du coup, ils ont une boussole. c'est. Ils ont une boussole morale particulière, du coup. Tu vis sans contexte. Elle volait des trucs pour l'asticot. Je suis sûr que tout le monde a très bien compris ce que je voulais dire. C'est ça le pire. J'ai direct compris ce que tu disais. Ah, oh, je chiale. Voilà, il devient freelance, Oh. quand elle est... Mais freelance, ouais, pour Boba, enfin pour moi, il bosse pour Boba. Enfin, c'est soit tu bosses pour lui, soit tu bosses pour la République, soit tu bosses pour la rébellion. Donc... Mais non, mais elle pouvait être indépendante, mais genre, au dé... Bon, Enfin, ouais, déserte non, l'armée après. par besoin d'indépendance. Il rejoint Rejoint. Boba. Voilà. Non, enfin, non, Mais tu sais, il Boba, il rejoint faisait pas un Kira. truc Rejoint bien Kira syndiqué. et travaille pour le syndicat de Boba. Kira, c'est Parce écrit que comme ça. justement, ils sont Tu... pas si Kira, il n'y a sombres pas que de ça, on avait U. Il dit. n'y a pas de U dans Kira. Non, Je me fais toujours avoir. il n'y a pas de U. Han Solo déserte l'armée pour son indépendance, rejoint Putain. Kira et travaille pour Boba. Ça vous va? Très bien. J'adore Ou Coco l'asticot. fait de la contrebande pour Boba pour qu'on soit plus précis. Oh, j'en peux plus. Oh, j'ai une idée d'événement. Oh. Alors que Obi-Wan. Alors Obi-Wan, je crois qu'il il s'occupe de la formation de Leia, c'est ça? Oui. Obi-Wan, c'est Leia, ouais. Il faudrait un événement du genre ils se font capturer ou quelque chose comme ça et Obi-Wan se sacrifie et se laisse tuer par Windu devant Leia, tu vois. Comme dans les films avec Luke. Ouais, c'est pas con. Il veut des gens tristes en fait. Non mais Non, on mais en vrai. reproduit les scènes du film mais Ouais. avec dans la timeline actuelle. Donc ça donnerait Obi-Wan se sacrifie en se laissant tuer par le premier arbitre ou par Mace Windu, peu importe, devant les yeux de Leia. Par qui a dit Mundi? Je sais pas, par contre moi je me méfierais parce qu'Adrien est d'accord avec toi, c'est généralement pas bon signe. C'est pas vraiment la meilleure. Et vous Ok, êtes oublie l'idée, méchant c'était nul en fait. parce que tout l'arc de chemise, c'est moi qui l'étais, ok? Donc Ouais, mais tout le monde s'est mis d'accord quand je l'ai proposé après toi. Ouais, oui, c'est oui, c'est bien vrai. Du coup. Et il faut des événements militaires. Bon, alors, je repars là sur les événements militaires qui s'étalent sur 16 ans. Et on peut juste marquer déjà que l'armée de la République prend l'avantage sur la rébellion, enfin Sur la rébellion, bah sur la totalement. rébellion Ah et oui, sur, ils ont les sur les ressources. séparatistes. Ouais. Ils ont Non mais toujours eu. Hein. alors. On peut être enfin, un peu plus précis, il faut juste prendre l'avantage. Vraiment, il leur roule un peu dessus en ce moment, quoi. Au final, au bout de 16 ans, ils sont dans la merde. Est-ce Après qu'ils ont quand même un après plan? l'ellipse, la théocratie a quasiment réussi à éradiquer la rébellion de Jedi. Mais ça signifie que s'ils ont quasiment réussi, qu'ils leur roulent dessus, c'est qu'il y a beaucoup de morts, quoi. Ouais, Bah oui, c'est ça mais en en fait. même temps, on n'a pas dit que c'était la meilleure timeline, hein. Et bah oui, du coup, effectivement, on va dire que Obi-Wan est mort dans les 16 ans, comme ça, de cette manière, en se sacrifiant pour laisser son padawan Leia, qui n'était pas encore chevalier, Ouais, qu'elle c'est puisse vrai, ouais. s'enfuir, tu vois, un truc comme ça. Et déjà, on élimine Obi-Wan, donc ça a affaibli pas mal la rébellion. Alors voilà, l'armée de la République et du Jedi éradique quasi intégralement la rébellion. Mais c'est horrible. Bah oui, mais en même temps, Il nous faut du drama, quoi. Ouais, et puis il faut une base pour qu'au bout de 16 ans, il y ait les événements qui amènent à la fin de tout ça, quoi. La rébellion de Jedi. Et les séparatistes aussi, du coup, enfin... Jedi séparatistes, ouais. Voilà. On pourrait même parler de séparatistes Jedi, en fait. C'est vrai. Ça serait rigolo. C'est vrai. Ouais. Ça me fait penser à rien du tout, actuellement. On les appelle les rébellos Jedi. Les Jedi-o. Natasha nous demande séparatistes Jedi. Oui, dans le sens où ils sont alliés aux anciens séparatistes. Leur politique, parce que je parle pas des séparatistes commerciaux, moi je les différencie comme ça entre ceux qui voulaient vraiment être séparés de la République et ceux qui voyaient ça, enfin qui dirigeaient un peu ça. Et qui est intéressé par l'aspect business, donc la fédération du commerce, le clan bancaire, le techno-syndicat, tout ça. Non, c'est toujours les mêmes. Hein. Et oui, c'est les mêmes Jedi. C'est toujours les rebelles. Les rebelles Jedi sont associés aux séparatistes, aux anciens séparatistes, du coup, politiques de la galaxie. Ça, c'est bien compliqué. Hein. du coup, on a dit, ils se sont fait rouler dessus. La flotte, elle a morflé aussi ou pas? Genre, il reste quelques vaisseaux, ils sont une poignée, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, ils sont sûrement plus sur genre un ou deux vaisseaux en tout, quoi. Donc la flotte... Deux gros croiseurs, quoi, mais... La flotte rebelle est réduite à quelques croiseurs. À deux croiseurs, on dit? Ça peut être intéressant d'en avoir deux, peut-être, 65 croiseurs. Deux ou trois? Non mais des gros, pas des... Je pense 3 ça fait trop, je sais pas. Je sais pas, alors on peut voir le truc, genre il y en a un pour Anakin. Anakin qui le commande. Un c'est Obi-Wan. Et le temple Ils ont toujours un vaisseau-temple. Il y a un temple, ouais, où il y a... Ouais. Un espèce de vaisseau-temple, ouais. On dit... trois, ça me paraît bien 3, parce que du coup, il y en a un qui peut peut-être... il va y avoir des bails, des grosses batailles, puis il y en a un qui va classer dedans, je sais pas, on va voir. Ah oui, clairement. Il réduit à 3 croiseurs, et une poignée de chasseurs et de corvettes, voilà. De vaisseaux mineurs, voilà. Pas mineurs, enfin, c'est pas Kessel, hein, mais... puis ils ont plus de 18 ans, mais... Des petits vaisseaux. J'en ai marre de toi. Je sais, je suis fatigué. Mais pour moi, ça, c'est une grosse flotte quand même. Hein. Bah non, c'est même pas une flotte. Hein. C'est une flotte. C'est pour ça que pour moi, il devait être à 1. Ah ouais, toi, tu vois vraiment le truc, genre épisode 8, quoi. Bah ouais, enfin, c'est plus une flotte. Non, ils ont plein de petits vaisseaux, mais ils ont. Mais attends, mais ils vont encore s'en faire péter d'autres. Gros vaisseau de commandant. Ouais, en fait, ça peut commencer 16 ans plus tard, ça peut commencer. Genre, ils se sont fait choper. Il y a une grosse baston et ils se sont fait un seul. On va faire comme ça. Donc là, au terme des 16 ans, donc Luke et Leia, ils sont toujours en formation. Est-ce qu'on leur a donné des responsabilités? Est-ce qu'ils sont chevaliers? Est-ce qu'ils gèrent leur Ils sont chevaliers. Je pense qu'ils sont juste chevaliers, ils ont 19 ans. D'accord, donc qu'est-ce Je sais pas, il était pas chevalier à 19 ans, Obi-Wan. Hein. Ouais, mais ouais, c'est pas Luke Skywalker. Et puis là, c'est un peu... Effectivement, c'est pas Luke Skywalker. Il a buté un Sith beaucoup plus jeune que lui. C'est vrai. Non, mais bon, enfin, c'est des temps de guerre. Mais Anakin, tu regardes, il est passé chevalier. Non, mais... Et puis, il y a plus Yoda qui est là pour te dire « Trop jeune, tu es !» Ouais, c'est vrai. Oui, ils ont pas le temps de niaiser, quoi. C'est ça. Bah, en plus, genre, littéralement... L'ordre, vous avez raison, 19 ans, c'est jeune pour être chevalier. Obi-Wan, c'était 27, et même Anakin, il est passé chevalier plus vieux que ça. Et Anakin, c'était genre, c'est exceptionnel, tu vas très vite, et il avait 20, 25 ans. Non, ouais, il est mort, il avait genre 22 ans, ouais. Enfin, il a 22 ans à l'épisode 2, en fait. Donc, il a même 23 ou 24 ans, en fait. Je vais pas commencer à être chiant, mais bon, moi, je connais Myriadan, qui a eu beaucoup plus tôt son diplôme. Ouais, mais c'est pas le même temps, c'est pas les mêmes heures, et puis ça fait beaucoup de stress. Mais justement, je pense que effectivement, comme c'est trop jeune, ça peut être, on peut partir justement de ce côté-là où ils sont déjà chevaliers. Genre, ils ont pas le temps, faut qu'ils leur confient des responsabilités. Ils sont en train de se faire péter la gueule. Ouais c'est ça. Genre littéralement, Cal Katarn, il prend un sabre laser dans la main et il est chevalier dans 3 jours après, quoi. Donc, vous pensez qu'ils bossent ensemble les deux ou pas? Luke et Leia, ou ils Ouais, font quelle leur est leur bail? relation fa... quelles sont les relations familiales? Parce que Mais, non, mais on sans n'a parler pas de ça, je veux trop dire, moi, parlé de ça. en termes d'action, est-ce qu'ils interviennent ensemble? Qu'ils Oui, vont mais chacun dans justement, leur ça coin fait faire leur partie du bail, même quoi. truc. Je pense que ça serait bien de les faire proches, parce que ça va créer une scission avec Shmi. Ouais, c'est exactement Bah, ça. crame, oui, t'es obligé de la garder. Et même si tu la coupes, après, on te la rattache avec une agrafe. En même temps, pour Yoda, si t'as pas 360 ans, t'es trop jeune. J'avoue que le mec, il est un peu biaisé, quoi. D'ailleurs, malheureusement, parmi les vaisseaux qui ont été perdus, il y en avait un où il y avait une espèce de tout petit Yoda. Oui, un nain, oui. Alors, même pas, tu finis ta phrase, Grouchkov. J'ai fini ma phrase. J'aurais dû mettre des sons, genre Hello Darkness, my old friend et tout. Non, mais Grogu, c'est l'attraction du coin, tout le monde Mais non, l'adore. mais il parlait pas de Grogu, il parlait du roi des Yoda. J'ai pété T'es pas obligé de nous le dire. de rire. Au cas où ça Ah, s'entendrait c'est dans le bien, micro, c'est ça? ça m'a prise par surprise, j'espère que ça s'est entendu. On a rien entendu, Non, mais ça va. je te rassure. Enfin, je te rassure, je te déçois peut-être, mais Vat Ouais, bah Kram nous du dit coup, qu'on est. j'aurais pas dû le dire du coup. Vat Non. Kram nous dit donc t'es obligé de garder cette queue d'Ara en Oui, je l'ai femme dit. jusqu'à. Oui. Ah, ok, pardon. Non, mais J'ai c'est pas pas entendu. grave, c'est Non, drôle. t'as répondu, mais sans exprimer Ah, pardon. ce qui était écrit. C'est important de lire ce qu'il y a dans le chat pour les gens qui nous écouteront plus tard. Mais en vérité, ouais, même pas, parce qu'en vérité, comme là, c'est un peu un ordre Jedi, genre révolutionnaire, genre, ils peuvent tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait plus de queue de rat. Genre, c'est Anakin qui était traumatisé, du coup ils en portent plus. Il a dit non, mais c'est bon, Après, il a j'ai. réussi à pécho quand même avec. Hein, C'est un symbole, avec c'est un ses... symbole de l'ancien, d'un temps révolu. Ouais, c'est ça, tu vois, Nous en on n'est mode pas genre, des ouais. beaux. Nous on a un mulet, on n'a pas une queue de rat, on a un mulet, on garde le tout. Ils ont. Alors, En hommage à Obi-Wan. vraiment, eux, ce qui change par rapport aux autres Jedi, c'est qu'ils sont gentils, ils ont un mulet et pas de queue de rat, et ils ont des cours d'éducation sexuelle, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils C'est tout, sont très bien. infiniment Et meilleurs. le plus important, c'est le C'est ça. mulet. C'est déjà très très bien. Hein. Les trois principes de l'ordre du Jedi. Le sexe. Et le C'était quoi style. le truc? Le sexe. Le style. La force aussi, des fois. Ça, c'est secondaire. Et du coup, ben, Faut suivre j'ai la créé deux tendance. cases pour voir ce que les deux vont faire. Mais du coup, Luke et Leia, est-ce que Luke bosse avec Ahsoka? Parce que même quand t'es chevalier, tu peux encore rester avec ton maître. Ou est-ce que Leia et Obi-Wan, pareil, ils suivent leur chemin? Je veux voir comment ça évolue. Faut qu'on avance un peu de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils vont Attends, faire? Est-ce qu'ils ont des faits d'armes? je pense que ça serait intéressant qu'au bout des 16 ans, effectivement, les deux vont peut-être avoir des faits d'armes et tout ça, mais les deux n'ont plus leur maître, tu vois. J'ai fait un petit sondage là d'ailleurs. Ah bah, il me Ah, prévient même pas, le mais tu mec. t'as prévu quoi? Ouais. Qui est mort durant les 16 Ok, Oh donc le merde. sondage c'est qui est mort durant les 16 ans? Ahsoka, Ahsoka, Ahsoka, Ahsoka ou Ah, Ahsoka? c'est partagé, hein. Eh, c'est partagé, ouais. C'est Et c'est partagé. très partagé. Hein. Non, mais en vrai, pour de vrai, ça serait bien qu'au bout des 16 ans, quand on retrouve les personnages au bout de l'ellipse, ils aient tous les deux perdu leur maître à la rigueur. Ça peut être Non. intéressant. Non, c'est nul à chier. C'est quoi cette merde? C'est pas bien narrativement. Du coup, Pour Obi-Wan pas est mort, mais crever hors Ahsoka? caméra. Mais non, Non, pourquoi mais il non, mais mourrait? on peut insérer un Ils vont. événement. Par contre, là, il y en a un des deux Moi, qui j'attends, hein, peut pour qu'il y en ait mourir un qui pendant clame, la là. destruction des vaisseaux. Oui, bah justement, regarde, petite flèche, hop, voilà, donc là, il y en a. Hop, bah, il fait un drôle de chemin, la flèche. Mais tu vois l'idée. Là, il y en a. Qu'est-ce que je fais? Bordel, C'est assez ta complexe, hein. flèche qui part en tectonique, là, je comprends Ouais, pas. non, mais j'ai pas compris non plus ce qu'elle faisait. Hein. Je suis un peu, j'ai du mal ce soir. Hein. C'est pas évident d'être moi. Mais arrête de faire ça, la flèche, enfin. N'hésitez pas dans le chat à proposer d'autres événements qui peuvent arriver. Et notamment, si vous voulez qu'on sache ce qui arrive à l'enfant de Jabba. J'ai envie de te mettre dans cette timeline. Mais bah il s'est fait buter Non par mais Boba. si tu commences à faire ça, moi je vais te ressortir Grievous, il va être ressuscité, cloné, enfin tout ce que tu Ah veux, enfin ça va être n'importe quoi, enfin. Attends, attends, on va arriver à là au clonage de Palpatine, sois pas trop pressé. Non, non, non, non, Non par mais contre, on ça se dans calme. aucun univers. Hein, J'arrive même plus à faire des flèches potables, je suis Ouais, fatigué, c'est t'as ça. raison, Natashui, Obi-Wan, il y a un affect, Anakin serait vénère, mais en même temps, Ahsoka, Anakin, il serait vénère aussi. Hein. Je pense que c'est même plus Ah, vénère mais pour Aspect. bon, le sondage, vous avez voté pour Ahsoka, Ah, et puis là, du coup, il bascule du côté obscur réellement, Anakin. Et Mais puis, ça non, fout mais la non, non, non, merde. non, non. Non, non, mais arrête, on est dans ce canon là. Genre, il bascule tous les 3 jours dans le côté obscur. Bah, tu sais, quand t'es de mauvaise humeur. Hein. Ouais, enfin, d'accord, mais enfin, genre, moi aussi, ça m'arrive de péter un câble, mais je te Ah jure, voilà, bah jamais tu fait vois ce que ça ça. fait. Ouais, enfin, faut se calmer. Au bout d'un Sauf moment, que. faut vraiment se calmer. Sauf qu'un Jedi qui pète un câble, le retour en arrière il est compliqué quoi. Ouais, Bah, c'est ça, bah, ouais. Quinlan Vos il a fait ça 6 fois. Hein. Ah bon? Non, je Je gâche. vous ai déjà parlé de Revan. Il est lourd, il est lourd! Avec son truc là. Son personnage Leader Price là, c'est bon, merci. On est tellement d'accord, Matt. Heureusement, heureusement Matt, qu'ils vont. c'est mauvais signe. De quoi qui est mauvais signe? Éduquez-vous! Bah, il a Ah dit oui, qu'il était d'accord avec toi. putain, chier. Mais tu sais qu'on t'aime, J'aime, j'aime, Adrien, j'aime même beaucoup. si tu dis n'importe quoi. J'aime beaucoup Revan, c'est un personnage très intéressant, plein de profondeur et de subtilité. Ah, c'est beau! J'aurais pas dû le Tellement dire. smooth. Ah, je suis en train de comprendre pourquoi on est snobé par tout le reste de Star Wars. On aime Sans... personne, on aime Un mot sur aucun. Dash Random. Pour ça que Mais personne ne les aime. calmez-vous. Non. Donc. On avance. Oui. C'est. Donc Luke et Leia, déjà t'as toujours pas noté qu'ils étaient chevaliers. Mais je m'en fous de ça. C'est pas Bah, je veux grave. savoir ce qui leur arrive. On s'en doute bien qu'ils. Bah, je le mettrai, écoute. Le chevalier Luke, machin. Bah, c'est parce que c'est Le important chevalier pour pas qu'on Leia. oublie et qu'on se Non, pour souvienne l'instant, qu'ils je l'ai sont. noté dans ma tête, t'inquiète pas. Alors, maintenant, je veux Déjà, donc savoir. du coup, on va indiquer lequel des deux est mort entre Obi-Wan et Ahsoka. Mais personne. Non, mais si, on a dit qu'il y a une navette qui avait explosé avec l'un des deux Ah, maîtres. une On partait pas navette? Et là-dessus. pas encore. Ah, pas encore. Mais vous vouliez pas regarder les trois croiseurs et puis en Si, mais gros, moi au je bout pensais qu'il des y en avait 16 qui étaient ans, clamsés dans les les. croiseurs avant, là, avant, enfin, avant qu'il n'en reste plus que 3. Mais pas les personnages principaux. Oh! Oméga. Bébé Yoda. Ouais, Enfin, Cody, je pense. le roi des Yoda, quoi. En vrai, entre Ah, Cody, Cody ça et me dérange pas, Rex, mais les autres, ça va me faire Cody, chier. ça peut être bien. Cody, je pense qu'il est cané depuis longtemps, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de le marquer, ça? Bah non, c'est pour ça, je sais pas ce que vous faites. Mais moi, je sais pas ce que je dois faire! Là! Je vais pas faire une case pour dire ah bah Luke et Leia sont devenus chevaliers. Il faut un événement après Si, les sinon, 16 je peux ans. te faire une case qui dit Luke et Leia deviennent Oui. chevaliers et interviennent indépendamment de leur maître, ou je sais pas, mais un Ouais, truc c'est bien qui ça. fait du sens. Mais je veux savoir si du coup ils restent avec leur maître ou si ils Alors, évoluent. attends, attends, ce qu'on a Ça dit, c'est que s'appelle c'était pas du trop jeune. scénarium, ça s'appelle de la cohérence scénaristique. Ils sont Arrêtez avec les trucs en scénarium, bordel de merde. trop jeunes pour être chevaliers, non? C'est pas ce qu'on a dit. Mais, du coup, Ils j'ai ont parlé de 19 ans. scénarium, moi. Non, c'est le chat. Ah. Peut-être un attentat au moment de leur passage chevalier. Un attentat. Voilà, ça peut commencer les 16 ans là. Hop, c'est le jour où ils deviennent chevaliers et direct c'est la merde. Mais alors, faut qu'on détermine de comment les autres ils ont trouvé leur flotte. Un droïde Moi, je les vois son. pas faire un attentat. Un traître, ça serait rigolo, un traître Ou en Windu, je trahison. Mais non, mais pas un attentat. Moi, Oh. je parle à une grosse bataille entre les autres qui les ont trouvés Mais ça serait et eux rigolo qu'il y ait un essayent traître. de fuir. Genre, ils ont eu l'adresse de la boum et du coup ils se pointent. Bah voilà, c'est ça. Faut qu'on trouve pourquoi, mais. Moi je milite pour un traître, ça ferait du Ça peut être drama. très bien pour kickstarter la fin des 16 ans, là. C'est qui le traître? C'est Plo Koon? Ah ben il est mort lui. Bah il est mort, Plo Koon. C'est Bail Organa le traître. Je sais pas, je dis ça comme ça. Padmé, parce qu'on sait pas ce qu'elle serait devenue en vieillissant, ça son Oh âme. non, le dieu. Mais du coup, Padmé a toujours un rôle politique, hein, on a dit. Pour l'instant, on l'a écarté. Ahsoka. Ahsoka, ouais, pour la blague. Hein. Oui, pour la blague. C'est bébé Yoda, il a vu. C'est Il ça, c'est a Grogu, il fini les sur a des. mis. Venez les fumer! Il Ils a m'ont pu. pas donné mes gâteaux que je voulais! Et pourquoi pas l'un des deux? Et pourquoi pas l'un des deux jumeaux, justement? Il a appuyé sur des boutons et puis il a foutu la merde. Mais Oh moi, non, bah j'avais non! proposé le fait que un des deux ait envie d'être Bah ouais, pourquoi avec pas? les autres, mais vous m'aviez envoyé chier, Non, alors. non, non, non, non, mais Si, là, en si! fait, durant. Non, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé chier. Moi, je trouve ça l'idée bien de mettre les jumeaux en conflit l'un contre l'autre, tu vois. Mais j'aimais bien aussi le fait qu'ils soient en... Alors, faut vous avez... je veux bien qu'on les mette en conflit, mais faut que quelqu'un retourne l'un ou l'autre contre les autres, ouais. Hein, sinon ça marche faut pas. Pas. Que ça devienne... Faut pas que ça devienne Jaina et Jacen. Ça peut pas être un, je suis méchant maintenant. Ça marche pas. Mais Luke, c'est un connard dans l'âme. Et si Luke, il mourait... Oh putain. Oh la vache. Il y a pas on s'en fout, il n'y a pas d'opposition, du coup. De quoi ? Ah oui, mais il n'y aurait pas d'opposition entre les jumeaux, du coup. Bah non, du coup on refait pas Jason et Jaina parce que Luke il crève tout de suite. C'est Luke le traître, mais il meurt tout de suite pendant la bataille. Mais non, c'est pas traître, il meurt juste. Non, non, il n'y a pas forcément un traître. Mais comment ils connaissent leur position ? Peut-être qu'ils sont trop proches d'une planète. Peut-être qu'ils se sont arrêtés pour faire le plein dans une planète et c'est les gens de la planète qui ont appelé les autres. On est dans une impasse, je crois que c'est le moment de faire appel à la force. Hein, de... Et comme ça, ça explique pourquoi c'est la merde et ils peuvent pas partir tout de suite parce qu'il y a une partie des gens importants de la flotte qui sont encore au sol pendant qu'il y a l'attaque qui se fait. Ça pourrait être pas mal, effectivement, mais... Moi, je suis pas satisfait par ils se sont fait vendre par la planète, tu vois. Pas assez dramatique. C'est pas assez drama, tu vois. Ouais, mais je vois personne là-dedans être. Alors, Lucas, il t'aurait fait un coup du genre, il a trouvé un holocron, et puis après, voilà. Ou alors il a été dans un temple, et puis du coup, il s'est dit que finalement. Il y a Rodkin qui proposait que Shmi passe à l'ennemi, et en vrai, on pourrait très bien dire que dans le drama, c'est que Shmi était tellement rejetée par la famille, enfin, pas rejetée, mais elle était mal intégrée parce que pas Jedi et pas sensible à la force. Qu'elle aurait pu se rapprocher. Et pas politicienne, et du coup, c'est elle qui Oui, se, mais qui sa dérivé. Connexion avec Anakin qui est très forte parce qu'ils ont son ouais, pilote tous les deux. Voilà, et c'est je le sens moi, pas je comme le ça. Penserais pas. Justement, ce serait trop simple. Je veux ouais, pas, je veux pas dire, mais on a toujours l'ordre 66. Vis-à-vis de ce qu'on m'avait dit par rapport à Shmi tout à l'heure avec la relation avec Hera et tout, c'est dommage. On peut imaginer qu'au bout de 16 ans, Windu il a farfouillé dans tous les trucs de Palpatine et finit par tomber sur l'ordre. Il l'active. Voilà, ça fait déjà du lisbeul. Hein. Ouais, mais c'est des vieux débris. Les clones, il y en a quasiment plus nulle part. Ouais, quoi. Mais. Oui, mais regarde Rex. S'il bute Luke. Il y a Rex. Il est proche de tout le monde, là. Ça il peut est être certainement. Oui, ou Cody, ou enfin. Les anciens généraux qui maintenant sont certainement vieux, mais ils sont toujours dans les bails, ils connaissent les emplacements, les machins. Et puis les il serait vaisseaux. Là, il serait probablement présent pour la cérémonie. Tu veux un traître, bah, dans le genre scénarium, ça se posait alors en 66. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et ça serait cohérent avec tout ce qu'on a fait avant en fait. En plus, comme ça, Windu, je le vois bien farfouiller dans tous les secrets sites et finir par basculer encore plus dans ses conneries. Il y en a un qui mal fonctionne. En fait, comme Fives. Sauf que cette fois-ci, ils enquêtent vraiment, ils découvrent le truc. Ou alors le machin, il se déclenche tout seul parce que justement la puce est flinguée il y a ouais, eu ce temps. Moi aussi. Moi, je Rex bute Ahsoka, ça serait drama aussi. Hein. Oh, bah, ouais. Rex bute Ahsoka, Cody bute Luke. Obi-Wan. Ouais. Ouais, je préfère que Luke meure, mais c'est vrai que ça fait Ahsoka et Luke, ça fait chaud effectivement. Ouais, c'est le maître et... Que c'était... Et... Ouais. Bah du coup, il bute Obi-Wan. Est-ce qu'on fait des sondages du coup? Du coup, l'idée c'est quoi? C'est en 66, ça parle à tout le monde ça? Donc activé soit par le temps, ça a fini par merder, soit activé par Windu qui a farfouillé dans les archives de l'autre jeu des bruits. Mais Windu, il aurait pas moyen de les... Si... Enfin, il pourrait pas communiquer avec eux pour leur faire... Ben non, mais il se dit, ça va foutre le... Enfin, au cas où, quoi. Enfin, même... Ou alors, il l'active par... Comment il l'active? Bah, il je envoie sais un message. Pas, il envoie un texto. Mais, oui, mais comment il leur envoie un message? Ils sont en guerre, il peut pas les contacter. Oui, mais comment non, mais c'est vrai, Natasha? Par un moyen détourné, par un moyen détourné. Est-ce qu'il pourrait, est-ce en fait, genre... Mass Ameda... il était avec lui. Bah, du côté de Windu, on avait dit qu'ils étaient remplacés. Les clones étaient remplacés par. Vu qu'il faut. Enfin, le truc, c'est que l'idée, c'est que dans la rébellion, ils vont garder les vieux parce qu'ils font partie de la famille. Mais dans l'ordre de. Enfin, dans l'armée de Windu, ils ont viré tous les clones parce qu'ils étaient trop vieux pour faire la guerre. Donc, il n'y a plus de clones dans l'armée de Windu. Après, ressortir Mass Ameda était au courant des bails, lui. Mais il était pas clamsé? Je sais pas, on l'a pas dit. Non, ah ouais, il est juste. On l'a pas acté en tout cas. On l'a pas mis. Et ben voilà, c'est acté. Il peut être en tôle, il peut être torturé pour justement balancer tout ce qu'il sait. Il attend 16 ans avant de dire les trucs. Attendez, ouais, là ce sera mieux scénaristiquement. Non mais, ou alors, comme c'était un proche de Palpatine, et du coup il est séparatiste, il part avec les héros. Et au bout d'un moment, il est trahi. Non, mais c'est une giga... Enfin, c'est une serpillière, ce mec. Hein. Je le vois pas partir avec les héros, moi. Non, clairement, ouais. Il aurait direct retourné. C'est Emmanuel Valls, hein, Massameda, faut pas chercher. Ok. Hein. Du coup, c'est un des clones qui... Mais du coup, au lieu de les attaquer directement, il appelle la... Enfin, il contacte les... Windu fait une allocution, les rebelles et les clones, enfin les clones restants regardent et l'idée ça serait que Windu il aille trouver les bails sur l'ordre 66, qu'il fasse une allocution et que derrière J'aime pas du tout tous les trucs de l'ordre 66 en fait. Bah ouais, mais c'est le retournement easy quoi. Tu veux faire quoi l'autre comme Traitros? Il y en a plus. Moi j'en vois pas. Il y a le drama de l'ordre 66 quoi. Genre si il perd une bataille, il y en a un qui se fait capturer et qui balance tout. Rex qui flingue Ahsoka, je veux dire, enfin, tu veux du drama, voilà quoi. Moi je trouve ça pas mal, Rex qui bute Ahsoka quand même. Ah mais comment? Avec une cuillère. Mais dans quelles circonstances? Une cuillère laser. Oh. Mais l'ordre 66, pour moi, c'est pas impossible de le déployer, hein, de faire passer un message à Rex par un messager au moment où, pendant la cérémonie, et Rex il ouvre le message et paf, c'est l'ordre 66. Et... Parce que pour moi, Windu il sait qu'il y a toujours des vieux généraux chez eux. Hein. Ouais, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué de réussir à faire passer un message discretos, tu vois. Et je crois que ça a jamais été exploité dans Star Wars, mais copier une voix, voilà quoi, enfin je veux dire. C'est faisable techniquement, il y a des milliers d'enregistrements de Palpatine. Oui, ils le font dans un épisode de Clone Wars. Même les droïdes savaient imiter les voix, donc oui, bah justement, il y a des droïdes qui imitent des voix aussi dans plein d'œuvres, donc. Mais je sais pas pourquoi je déteste ça. Et le message qui part du temple Jedi que Obi-Wan dans l'épisode 3 que Obi-Wan va pour modifier là, c'est un faux message au départ, donc ça imite Obi-Wan, non? C'était pas ça le truc d'ailleurs? Moi, je croyais qu'il l'avait vraiment enregistré, mais... Ah, le message d'urgence qui demande à tout le monde, à tous les Jedi de revenir au temple. Et il va avec Yoda pour modifier le message. Bah pour moi, à la base, c'était pas la voix d'Obi-Wan. C'était un message générique, quoi. Oui, c'était pas la voix d'Obi-Wan, à la base. C'était le répondeur de base de Obi-Wan. C'est ça. Je sais pas. T'es pas très chaud, Gru, je sais. Mais sinon, on demande le chat, hein. Ouais. Le chat, c'est à vous de décider. Alors, est-ce qu'on le fait en plusieurs temps? Est-ce qu'on leur demande déjà si l'ordre 66, alors ça, c'est, voilà, c'est ça. Si l'ordre 66, oui ou non. Déjà, on commence par là. Oui, non, Ahsoka. Vélins, qui sommes au Palpatine has returned. Alors, du coup, Windu, il aurait cloné Palpatine juste pour enregistrer le message. l'étoile noire, on avait dit qu'il la faisait pas, l'étoile noire, Windu, pour plein de raisons. Ouais, on a dit qu'il la faisait pas. Justement, pourquoi il ferait le truc de l'ordre 66 comme ça? C'est moins grave. Mais... L'étoile noire, et puis l'étoile noire, il la fait pas parce qu'il a besoin des cristaux de Kyber, tu vois. Pour lui, l'ordre 66, il le déclenche parce qu'il sait qu'il reste des vieux généraux qui sont près des têtes de la rébellion et que dans son armée, il a plus de clones. Ça lui coûte rien de le balancer, le machin. Mais en fait, le truc, c'est comment on le fait de manière que ce soit pas complètement tordu. Ouais, genre Rex, plein milieu d'une cérémonie, son téléphone il bip, il se retourne. Bah oui, c'est ça. Ouais. Hein. En gros, mais ça complètement pété, je trouve que c'est. On montre que Windu est de plus en plus fort. Alors là, déjà, on a dit Horde 66. Maintenant, on voit si. On le fait via Windu, si c'est juste le hasard qui fait que le machin se déclenche. Je suis moins chaud, moi, sur le hasard, hein, franchement. Mais. Faut dire que la puce est super vieille et que ça tombe pile sur Rex. Mais. Mais moi, dans l'idée, c'était genre Windu, il a cherché pendant tout ce temps et il a farfouillé dans les conneries de Palpatine avant de tomber sur cette histoire d'Ordre 66. Mais bon, après, je sais pas. Hein. C'est du scénario. Non, je suis d'accord avec toi, Matt. Ça me paraît pas. Mais pour bon, moi, voilà, 66, si le ça se dirige truc. Vers oui. Mais est-ce que du coup, il serait pas plus intelligent avec le truc de l'ordre 66? Tu sais, le truc s'active, mais il se rend compte que bah, il peut pas les buter tout seul, et du coup, il. On peut, C'est là qu'il donne les coordonnées, il envoie les coordonnées de là où est la flotte. on peut tordre le truc encore plus. On peut imaginer que les. Bon, c'est un peu. Je vais loin, mais on peut imaginer que les anciens clones qui étaient encore dans l'armée donc sont démilitarisés. Les mecs se sentant abandonnés par la République partent chez les séparatistes. Donc, du coup, il sait qu'il y a plein d'anciens clones sur les planètes séparatistes, là où vivent les Jedi rebelles. Du coup, il se dit qu'en activant l'ordre 66, bah, c'est tout bénef. Il doit, et puis de toute façon, des clones, il doit plus Et en il rester l'aurait pas fait beaucoup. avant, Hein. et il Il l'aurait pas fait est... avant, puisque du coup il avait encore des clones dans son armée. Ouais, et puis même, il peut même le prévoir à l'avance. Hein. C'est pas parce qu'il connaît, il sait qu'il peut utiliser l'ordre 66, il peut retirer tous les clones de son armée, voire les buter, voire les séparer, les emprisonner, peu importe. Il peut préparer le coup à l'avance et déclencher l'ordre 66 uniquement sur ceux qui sont dans les séparatistes, dans les rébellions. Après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que. Oui, parce que l'ordre Donc, le... 66 s'active pas pour tout le monde en si... même temps, si tant que C'est t'as pas le ça. message, il me semble. C'est ça, exactement. Il faut avoir le message pour qu'il se déclenche. Et donc, si jamais là, un clone ne voit pas le message de l'ordre 66, ça se déclenche pas, donc il cherchera pas à tuer tous les Jedi de toute façon. Codelia, il me semble que c'est la voix et la combinaison des mots qui déclenchent l'ordre, ouais, il me semble. Ou alors une fréquence peut-être dans le message, je sais pas, mais il me semble qu'il faut le message. Du coup. Donc, Horde 66, c'est bon. Maintenant, je vais me faire un sondage pour savoir si c'est accidentel ou si c'est de la volonté de Windu. On va voir. Après, pour moi, la volonté de Windu, ça marchait bien, de manière, mais. Oh, mais 16 ans après? Mais je t'ai dit, il avait encore pendant tout ce temps des clones dans son armée. Au bout de 16 ans, les clones, ils sont trop vieux. Il leur dit ciao, hop, Il aurait pas juste pu dégagez de l'armée. Ils tous vont. les faire partir avant, tu vois. Bah, t'as des soldats qui fonctionnent, enfin, qui peuvent se battre, tu les gardes, quoi. Oh, Grushkov, il Pas boude, un il est moyen de parti. niquer. Pas un moyen de niquer. Pas c'est un moyen de niquer tes ennemis, quoi. Bah, t'imagines dire tous les. Enfin, comment il aurait fait, il se serait débarrassé de tous les clones avant de déclencher le machin? Bah pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve que vraiment faire sa saison après c'est un peu bizarre. Pourquoi? Bah parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et Mais il peut l'avoir découvert qu'au bout de 13, 14, 15 ans, tu vois. Oui, Adrien, pourquoi il l'aurait découvert il y a 16 ans? Personne n'a dit qu'il attendait 16 ans pour le faire. Bah, il y a les deux possibilités, soit pouf pouf, il tombe dessus récemment, soit comme dit, Bah une oui. fois qu'il sait qu'il n'y a plus de clones susceptibles de recevoir le message, et encore ça dépend s'il l'annonce à tout le monde ou s'il le diffuse car une. Personne qui souhaite le diffuser, y a plein de. On peut le justifier de plein de façons. Hein. J'ai déclenché le deuxième sondage. Je vois ça. Mais moi, de toute façon, je suis pas d'accord avec l'ordre 66 de base. Ouais, pareil. Le chat a décidé. On a dit que c'était interactif. Hein. Ouais. Et je ne participe pas On n'a pour pas leur l'air d'être Alors, d'accord. attends, parce que tout à l'heure, quelqu'un avait voté oui, et en fait, après, il est dans le chat. Oui, En mais fait, je vote non. c'est pas suffisant. Ah merde, putain. Et alors. Non, mais c'est surtout. Mais il nous fallait un Point retournement de vraiment. veste. Puis c'est quand même un truc important de l'univers, c'est intéressant de le recaser quelque part, quoi. Mais je comprends les réticences, hein. Je sais pas. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Je vais pas m'imposer non plus. Ouais, mais c'est juste genre comment il fait pour diffuser son message? Ils sont en guerre, ils sont pas censés savoir où ils sont. Il envoie Sinon, un tout le principe, c'est qu'ils fax. survivent en étant cachés. Comment Mais ils se sont fait t'as des retrouver? trucs de fourbe. Imagine, il sait, enfin, il finit par savoir que des messages sont interceptés. Dans un des messages interceptés, il cache le truc. Il envoie un Ouais. pop-up. Donc les Ouais, c'est mecs, ça, ils ouvrent ça. les messages pour Ok, voir. j'aime bien cette idée. Voilà. J'aime bien cette idée. Enfin, il y a Et du l'espionnage dans coup, les c'est guerres. pour Hein. ça que. C'est pour ça qu'il agit pas tout de suite, Rex, en ayant le truc. C'est juste il leur envoie les coordonnées. Oui, parce qu'en plus, Rex, c'est carré... enfin, ça peut être carrément le truc. Genre, justement, ils reçoivent voilà, une nouvelle communication de Windu. On va l'écouter pour voir ce qu'il dit et ce qu'on peut en faire. Forcément, ça peut être un des généraux qui va s'y coller. Donc, soit Rex, soit un autre. Ouais, parce que non, en non, vrai, mais de vrai, Rex, genre, c'est mieux. Ça fait sens. Enfin, pour moi, con, ça, mais ils envoient juste. Du coup, c'est volontaire qui a gagné et ça fait sens ce que. Oui, c'est beaucoup plus logique. Et du coup, ouais, truc tout con, en fait. Il n'arrive pas à mettre sa petite flèche. Je galère, d'accord. Oui, c'est trop mignon. Elle est moche, ma flèche. À Rex en mode tout seul et après, de toute façon, les autres clones dans la galaxie sont pas obligés de savoir ce qui s'est passé, quoi. C'est non, mais le fait qu'il tombe dessus parce que c'était un truc sneaky, je préfère plutôt qu'il y ait un vrai truc où... Enfin, c'est plus logique que ce soit un truc qu'ils interceptent, mais en fait, ils se sont fait... un piège, quoi. Outsmart. Ils se sont fait à coup. Ouais, et du coup... mais si, il va se lire les mains, parce que moi, j'aimerais bien que ça commence sur une grosse baston où ils perdent deux de leurs gros vaisseaux. Donc si, Windu, il va se salir les mains, mais après coup, quoi, c'est genre... C'est censé être le moment où ils détruisent tout le monde, en fait. Bah là, pour moi, cette action, c'est l'idée, voilà, c'est justement de foutre un gros coup dans la fourmilière, et puis derrière, t'attaques, quoi. Du coup, je vais faire un sondage, c'est... à la rigueur, c'est savoir qui, Rex. Ahsoka. Ouais. Luke, Ahsoka, je mets quoi? Je mets Obi-Wan aussi. Anakin était proche de Rex hein, aussi. Ouais, mais Anakin, c'est le leader. Mais justement, ça commencerait par ce drame. Ah ouais. Ou alors on fait mourir. C'est mieux si c'est un truc plus personnel justement. C'est pour ça que ouais, Ahsoka ou Luke, je pense que c'est peut-être le mieux. Anakin, c'est pas personnel. Bah, un peu, hein. Non, il y a trop de gens par rapport à lui. Il faut que ce soit. Genre, c'est pour ça que Ahsoka c'est mieux parce que Ahsoka c'est quand même surtout Anakin et Luke qui sont proches. Qui seront affectés derrière, oui. Ouais, parce que c'était sa Padawan et son maître pour Luke. C'était la Padawan d'Anakin et le maître de Luke. Ouais. On a peut-être déjà vu Windu, mais. Oui, et de toute façon, voilà, il n'y a pas que cette personne-là qui va mourir pendant la bataille, quoi. C'est juste, c'est plus logique que Rex s'il tue Ahsoka, s'il tue quelqu'un. Ça peut être drôle, justement, tu sais, t'as la flotte de la République Jedi qui apparaît, et puis du coup, il profite de la confusion pour sortir son blaster et tirer son coup, quoi. Il y a plein de façons de la dégommer, hein. Puis, simplement ouvrir un sas quand t'avais dans un couloir, enfin, on n'a pas dit qu'il faisait ça pendant la cérémonie de valorisation. Oui, bah, il peut carrément ouvrir le sas de la pièce entière et puis. Le sondage est lancé. Elle se sacrifie pour que les autres puissent sortir et elle finit par se faire aspirer par le vide spatial. Ouais, c'est une bonne idée. Mais du coup, avec la force, elle tient le truc. Bah non, il peut être dans une pièce de commande. Ou dans un truc de maintenance. Coup, genre, il va saboter la pauvre. Je ne sais pas. Oui, après, Rex, ça se trouve, il peut s'en sortir, Rex, en vrai. Ouais, mais du coup, il peut pas rejoindre aussi les méchants. En fait, le truc, c'est pourquoi il ferait... Pourquoi il enverrait les coordonnées alors que les autres, c'est une théocratie Jedi. Genre, pourquoi il ferait ça? Merde, ça marche pas, en fait. Ah oui. Oui, du coup, faut vraiment partir. Oui, il peut pas envoyer les coordonnées. C'est vraiment juste, il voit les Jedi, il les flingue. Enfin, il tente de les flinguer. Mais du coup, c'est pas assez... gros, je trouve, je sais pas. Toi, t'aurais aimé qu'il balance quoi, carrément pour faire venir. En fait, on est parti là-dessus parce qu'on voulait savoir comment la flotte des autres les trouvait en fait. Parce que c'est plus gros et ça permet du coup, de ça fait pas sens faire un peu qu'il informe. Oui, mais alors, on est d'accord que le message qu'il envoie, c'est avec la voix de Palpatine. Ouais. Et je sais pas si... ouais, pourquoi si pas. On se fie à ce qu'il y a dans Palpatine, le badge, après il avait pas prévu qu'il aurait la voix tout éclatée. Ouais, mais si on se fie à Bad Batch, après ils obéissent aveuglément aux ordres, rien n'empêche de glisser un autre ordre derrière, envoie les coordonnées à telle boîte mail, je sais pas quoi. Oui, tout à fait, oui. Exécuter l'ordre 66 et envoie un SMS au 61212. C'est Asokino qui a remporté le grand prix du décès. Ah oui. Ah bah Luc avait zéro, bah bravo. Vatcram dans le chat nous demande si Windu serait un peu touché par la mort d'Obi-Wan, comme ils étaient au conseil ensemble. Je pense qu'il en mais a il est plus touché rien à par foutre. La mort de tout le monde. Ah. Oui, genre, ouais, oh c'était dommage, je l'aimais bien à l'époque. Bon, oui, on mange quoi ce soir? Moi j'avais plus genre, c'est un mal nécessaire, mais oui, bon, ouais, ouais. Quand même, je l'aimais bien, mais il fallait qu'il se lasse, quoi. Ouais, c'est ça, un truc du genre. Ouais, genre en mode, ouais, c'est peut-être un grand Jedi, mais voilà, il a rejoint la Force aujourd'hui, tu vois. Natachu, on verra ce qu'on peut faire de ton idée qui nous dit que au bout d'un moment, des civils vont en avoir marre de The Sbul et vont rejeter les Jedi. Oui, complètement, les Jedi, hein, tout. On verra ce qu'on peut en faire, c'est sûrement sur le plus long terme, je pense, mais ouais, c'est pourquoi pas. Je sais pas, c'est long, 16 ans. C'est vrai que c'est déjà long, c'est vrai. Mais je veux dire, là, on est sur un point de... Enfin, on est sur un truc, et on voit après. Ouais, mais du coup, oui, il peut y avoir des endroits où ils veulent pas de l'aide des gentils Jedi non plus, parce que... Peut-être simplement les séparatistes dont on parlait, donc ceux qui se sont séparés de la République, c'est peut-être qu'eux, ils vont commencer à en avoir plein le cul, un peu de se faire rouler sur la gueule hein, par tout le monde. Ouais, peut-être, ouais. Bon, ça fait beaucoup, là, quand même. Ok, du coup, t'as noté les trucs, là? Je n'ai pas encore noté, non, parce que je vais voir comment je le formule. Du coup... Rex tombe sur l'ordre 66. Oups. Alors, et envoie un SMS au 6-12-12 avec les coordonnées de la flotte. Donc, les coordonnées de la flotte qui reste, les trois vaisseaux et cette flotte-là, voilà. Hein. Et combien des vaisseaux explosent? Pour moi, ce serait bien qu'il en reste qu'un à la fin. Alors, l'ordre 66 récemment découvert, du coup. On avait dit, hein, c'est comme ça. Ouais. À Rex. C'est bien ça, hein. Ouais. On parvient à transmettre l'ordre 66 récemment découvert à Rex. Via une manigance incroyable. Qui transmet les coordonnées de la flotte. Qui lui transmet les coordonnées de la flotte. Ah bah Mace Windu, voilà. 10 000 IQ. Quoi 10 000 IQ, Mace Windu. Il est trop intelligent. J'ai rien compris. Ah, mais IQ, QI, okay. Ah oui, d'accord. Ah, 10 000. Oh putain, pourquoi non, tu parles pas en français, espèce d'enfoiré. Ah bah c'est un mélange. C'est un mélange, c'est beaucoup mieux. Non mais c'est 10 000 IQ, non, c'est des... tu peux pas mélanger des trucs français et des trucs anglais, c'est pas comme bien, ça que ça marche. C'est trop bien. I'm gonna eat some camembert. J'espère que tu parles comme ça tous les jours. Puis que les gens, ils yes, I love very much to speak English. Et puis que les gens ils te détestent. Perso mon groupe préféré c'est System 41. J'en ai tellement marre de... Donc, Mace Windu parvient à transmettre l'ordre 66 récemment découvert à Rex, qui lui transmet les coordonnées de la flotte. En fait, c'est des bouteilles d'eau depuis le début. De quoi, les coordonnées de la flotte? J'ai rien compris. Tiens, j'ai dit tout à l'heure que Wolf, il devrait tuer Mace. Rex, c'est plus... Je sais pas, c'est plus logique. Bah, Wolf, il était avec Plo Koon, et puis oui, il n'y avait plus de tension pour lui. Oui. On avait dit que Wolf, c'était drôle parce que c'est les Wolves de Filoni. C'est drôle que ce soit lui qui bute, mais... Wolf, il serait cané, on s'en foutrait. Enfin, c'est pareil pour l'instant. Ouais. Je me rappelle même plus qui c'était avant de vous lire. Bah, c'est normal, c'est un des préférés de Filoni. Bah voilà. Bon, je fais mes bails, hein. Je vous laisse réfléchir à la suite. Bah, let's go. Lors de la cérémonie... comment on appelle ça? D'adoubement, il y a de l'adoubement chez les Jedi. Oui, il y en a. Ouais, mais ils appellent ça comme ça aussi. Oui. Non, c'est la. La cheville irisée. Oh putain les rêves. Merde. Ça. Je quitte ce podcast. Lors de la cérémonie d'adoubement de Luke et Leia, Rex. Mais là, du coup, on peut l'avoir notre attentat, hein, comme dit. Hein. Mais. C'est du coup, plus qu'un attentat. Du coup, il tue juste Ahsoka ou genre il fait un attentat et puis il y a d'autres gens qui y passent. Des randoms, je veux dire. Non, je pense qu'il va l'assassiner de manière sale, pas forcément sur un attentat à la bombe. Par contre, tu feras gaffe, t'as marqué aboutement. Ouais, parce que j'en ai marre. Le petit aboutement là. Je boude. La demande nucléaire, Rex. Donc il assassine. Bon, on va juste mettre assassine. Tant pis, hein, on va pas rentrer dans les détails. Oui, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Si vous voulez les détails, faites une fanfic. Ouais. Nucléaire, des fanarts. Rex assassine. Plus d'impression, je peux. Ahsoka. Oh, c'est encore mieux, effectivement. Rex, les... il tue le premier qui lui passe devant, qui est Luke. Des sauf que Ahsoka le... meurt en le protégeant. Ouais. Alors, Rex tente d'assassiner... J'avoue que ça marche bien, quand même. Tente d'assassiner qui ? Luke, du coup, on a dit ? Ouais. Là, c'est personnel, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Comme ça ? Ouais, mais tue Ahsoka... Qui s'interpose. Qui s'interpose sous les yeux des jumeaux. C'est ça, c'est bien. Incroyable. Quel drama, quelle tension. Enfin, John Williams, il ferait un truc de ouf avec ça. Va peut-être falloir qu'il nous embauche à Lucasfilm. On va leur envoyer notre vieux plan. Bah, je suis désolé, mais ça sort plus... Plus la route que 90% d'un truc qu'a fait Filoni, à part Rebels. C'est six grands cartons à dessin avec des fils partout, avec des épingles. et là, c'est gros goût, bah, il est Charlie sauvé Day pour présenter. Même là, ils ont un enfant. Je vais me pointer en chemise à carreaux avec des cheveux, avec des yeux rouges et puis des clopes. Alors... Non, on engage directement Charlie Day pour faire la présentation. Mais il va être un peu cher, parce que maintenant, il est couru par Nintendo, ça va être compliqué. Ah, meilleur acteur d'ailleurs, regardez Always Sunny Philadelphia. On n'a rien compris, redis-le plus doucement. Pacific Rim. Regardez It's Always Sunny in Philadelphia. Merci. Et regardez aussi Pacific Rim. En fait, on s'en fout du coup. It's Always Sunny en Arrakis. Du coup, maintenant. Ouais. Rex reste en vie, se sacrifiera dans la dernière grosse bataille pour se racheter. Bah, il faut qu'il trouve la puce, les copains là. Enfin, bon, je non, sais pas ce que. Moi, Rex il meurt au Luke, passage. Il bute, non, mais du coup, Rex. Alors, Luke ou Anakin ? Alors, Luke. Moi je suis d'avis de pas se prononcer maintenant parce qu'il peut encore nous être utile. Qui ça ? Rex ? Ah bon ? Il peut être capturé, quoi. Bah, je veux dire, on a galéré à trouver un traître dans le Zbeul, maintenant, faut qu'on voie ce qu'on peut en faire. Il peut être capturé, ils peuvent l'avoir arrêté. Moi, je les vois bien le capturer pour savoir ce qui s'est passé. Mec, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, ça fait 20 ans que... Ça peut être de mettre Luke sur un mauvais passage. Mais voilà, mais là, du coup, ça fait trop... Mais moi, je dis, pour l'instant, on garde Rex, on le tue pas. Moi, je dis, on ne tue pas Rex pour l'instant. On le tue pas pour l'instant, on se le garde sous le coude. On verra ce qu'on en fait. Et genre, est-ce qu'à partir de là, genre lui qui veut pas partir un peu en vendetta, en mode genre, vas-y, c'est des bâtards, j'y vais, et genre il se fume, je sais pas, genre il part sur Jedha et il fait la bagarre quoi. Et les gars viennent chercher en mode, mais qu'est-ce que tu fous, frère ? Qu'est-ce qu'il parle de Jedha ? Enfin, je. Je sais pas ce qu'il. Mais vous êtes méchant ! Mais je comprends pas ce que tu dis. En gros, est-ce que à partir de là. Est-ce que à partir de l'assassinat de Ahsoka, est-ce que genre Luke il tombe pas un peu dans sa phase un peu émo et genre en gros Ouais mais ça fait trop ouais, Jason il va être un peu dark peut-être enfin, un ah peu... je connais pas du tout en vrai l'histoire. C'est pour ça que moi je voulais aussi qu'il meure Luke. Après franchement il est bien entouré pour éviter de sombrer de devenir con aussi hein Luke. Ah c'est clair tu vois il a aucune raison de devenir con mais en même temps faut qu'il y ait du drama. Anakin, de la bagarre. Par contre. Anakin, c'est pareil, il a sa goutte. Bah, je l'ai dit tout à l'heure qu'il allait virer Dark Vador, personne ne m'a voulu. Donc on fait, on... Il... Non, bah, oh non, c'est de la merde. Non, mais pas Dark Vador, mais du côté obscur. Ouais, mais c'est triste. Du coup, il y a une bataille avec le reste de la flotte, ou pas ? Bah oui, il faut que les trucs pètent et qu'il y ait d'autres gens qui meurent. Donc là, Obi-Wan genre meurt Bail avant son vaisseau. Mais Bail Organa, lui, il est avec les séparatistes, là, ils sont pas dans les vaisseaux, eux. Et Mon Mothma. Et du coup, Padmé se retrouve avec toute la. Donc là, mais déjà qu'il y a une bataille. Alors, juste après la cérémonie, on est d'accord que c'est. Il se pointe dans la foulée, quoi. Ouais, c'est ça, au moment où Rex met son plan à exécution. Enfin, juste après, quoi. Enfin, genre. Et je me bats encore avec ma flèche. C'est mignon. Mais du coup, on peut dire qu'à la cérémonie, il y a Bail et tout. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Parce que pour moi, ils sont. Il y a tout le monde. Oui, mais ils ont trois vaisseaux, ils sont dispersés là-dedans. Oui, non, mais ce que je voulais dire, C'est que pour moi, les Bail et compagnie, ils sont avec les séparatistes. Ils font pas partie du Bail militaire. Ils sont pas dans le délire. Ils font pas partie de la rébellion de Jedi. Ils font partie des séparatistes. C'est deux trucs différents pour moi. Ouais, mais ils se soutiennent. Oui, mais du coup, ils peuvent être venus genre pour la cérémonie, quoi, genre en mode. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est comme un. Bref, avoir Padmé qui a tout le truc sur le Z, deux ordres Jedi. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un peu comme une communion, quoi. Ils viennent, voilà. On a ramené des cadeaux pour le petit. Est-ce qu'on lui fout le prépuce à Luc ou pas? Je sais pas. Non, mais vous voyez les bails. Genre, au sabre laser. Oui. Oups, là, c'est fait. Enfin, ça pourrait être un nouveau truc Jedi en vrai. Hein. À 18 ans, tu te fais couper le bout de ce gag. Au sabre laser. Tu dois toi-même te le couper pour montrer que t'es bien prêt. Oh, en fait, avec ton propre sabre laser. Du coup, c'est plus un truc de l'ordre Jedi de Mace Windu. Hein. Sous un hologramme géant de Maître Yoda. Qui te juge. On a encore perdu Grushkov. Te couper la tête, tu vois. C'est ça, on passe le tranchage de la queue de rat, ouais. Oh non, on a arrêté la mèche de cheveux, on a trouvé mieux. Ah oh, oui, ils ont rempli, c'est vrai qu'il la taille du rat. C'est vrai qu'il la coupe, la queue de rat, quand... Hey, c'est vrai, les filles, elles coupent quoi? Les gars, rien. On les respecte. Ouais, raison. Ouais, c'est ça. Les Twi'leks, par contre, ils sont dans la merde, hein, je vous le dis. Hein. Ils ont coupé tous les coups, c'est bon. tous les bouts de les coups, quoi. T'imagines les Nautolans, comment ils doivent en chier. La boule à Z. t'as genre 500 personnes qui sont venues regarder Luke se couper. Bah bon. Oh là là. Ça y est, ça part en live après 2h30. On a tellement pas avancé en 2h30. Quel bordel. On va attendre que Grushkov s'en remette. En vérité, je pense qu'on n'aura pas fini ce soir. Non, comme d'hab. Hein. Parce qu'il commence déjà à être tard. Moi, j'arrive pas à faire des flèches en plus. Je perds du temps avec ça. Voilà, Natasha, on est fatigant. On est fatigant. Voilà, bah, écoute. Natasha, tu as entièrement raison. Voilà. On est fatigant et fatigué, j'ai envie de te dire. Oh la vache. Vous pensez qu'il joue quel morceau pendant la cérémonie? Yub Nub ou... Le truc de fin dans l'épisode 1. T'as la musique de fin de la saga là. Non mais Jedi Rock. Oh putain. Pourquoi j'ai fait ça? Moi je vais mettre une cave. T'imagines la musique, tu sais, avec le... La fin Victory Celebration, là. T'as tout le monde qui regarde. J'espère qu'ils ont invité Boss Nass. Tu sais, à la fin, il tient le prépuce comme il tient la boule dans l'épisode 1, comme ça. Fait peur. Ah, on a perdu. On récupérera pas grand chose ce soir, je pense. Désolé, Kodak. On a perdu les rires aussi. Ni maths, en fait, on les a. Tout le monde est perdu. Je suis vraiment désolé. Le podcast est à toi maintenant, tu te démerdes. Ah, mais ils sont. Vous assistez en direct au décès de tout l'équipage. Je suis. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment meubler ça, franchement. Par contre, on est d'accord que si Bail et Mon Mothma ils viennent pour la cérémonie, faut que Padmé vienne aussi. Bah oui, bien sûr. C'est obligatoire, enfin, c'est la daronne en même temps. Oui, mais il y en a qui s'enfuient. Enfin, oui, bon, tout le monde vient. Bon. Elle ne peut pas ne pas assister à la circoncision de son fils, quoi. Tu sais, Boss Nass, il fait tout le temps le. Oh, j'ai peur. Quand il approuve des trucs. Tu sais, quand il est content qu'il approuve des trucs. c'est t'as aucun bruit, t'entends juste son laser qui coupe le truc. Et t'as aucun bruit, juste. Ça va, Ika? Ça va totalement. T'es content d'être là? Putain de merde. C'est génial. Oh, hey, je sens gros le truc. Ils vont tous être dans les vaisseaux, ça va mal se passer. Et finalement, c'est Jar Jar qui va hériter du... Oh putain. De la... De la... Non, de la tête des séparés. Non, le prépuce, il va être détruit dans l'explosion du vaisseau, je pense. Jar Jar va hériter du prépuce. Faut arrêter, je suis en train de crever. L'avantage, c'est qu'on fait ça après 2 heures et demie d'émission et qu'on peut espérer qu'on aura perdu la plupart des auditeurs. Ah, ils sont tous encore là, hein, t'inquiète pas. Non, non, mais pour ceux qui vont écouter en podcast, on est désolé. Si vous avez été jusqu'ici, merci à vous. Vatram, on s'était dit la dernière fois que Jar Jar, il avait probablement suivi Padmé dans le Sénat séparatiste. Hein. Parce que ça reste un homme politique, après tout. Hein. Enfin... Et de toute façon, Naboo, officiellement, du coup, a rejoint forcément le Sénat... Enfin, est devenu séparatiste, quoi. Oui, oui. Donc pour moi, ça pourrait être le mec qui est resté derrière pendant que les autres, ils vont à la cérémonie. Et bah, pouf, pouf, et... Il va falloir ils sont qu'ils... tous... Voilà. Il va falloir qu'ils prennent des décisions, bientôt. Shmi, il faudra peut-être que je change la couleur de son arc. Parce qu'il faut du voir coup, ce qu'on en fait après. Il y aurait une navette séparatiste qui était venue pour l'occasion, et la navette explose avec les politiciens séparatistes à bord, quoi. Quoi ? Bah, pourquoi non ? Ils vont à la cérémonie, et ils se retrouvent sur l'un des trois vaisseaux qui va se faire attaquer par la République. Donc après, il faut voir comment ça se débrouille. D'accord. Ah, moi je trouvais ça rigolo, tu vois. Du coup, Windu il en profite pour désinguer cette navette ou ce truc là en sachant que dedans il y a tous les ennemis de la République. Bah, après, s'il dégomme le vaisseau, il y en a qui peuvent clamser dedans. Padmé survit, on trouve une pirouette scénaristique. Enfin, oui, il y a des possibilités. En gros, c'est une mission, ça devient une mission de sauvetage. Ils essayent de s'enfuir et de sauver le plus de gens possible. Ouais. Ça va mieux, Grushkov? À peu près. Il repart. Maintenant, on connaît la kryptonite de Grushka. Juste de lui dire prépuce. Et voilà, ça marche. Et ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut dire qu'ils retrouvent le prépuce de Luc et ils font un clone. Faut prendre le truc du comique, tu sais. Comme I can do everything. Tu sais, je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Et si la place de la main, c'est le prépuce dans le bocal. Oh, j'imagine pas la gueule de Snook. Il va avoir une tête de gland, du coup. Oh, je te dis. Ah oui, je sais. Je travaille, hein. Ça vient pas naturellement. Hein. Je m'entraîne. Très beau. On va appeler ça un attentat quand même, parce que ça reste un attentat, hein, mais après l'attentat... La flotte... Il y a quelqu'un qui essaie... Tu sais, ils essayent d'évacuer le vaisseau, il y en a un qui glisse sur le prépuce. Comme une peau de banane. Oh non, putain. Imagine, il y a quelqu'un qui débarque sur le Twitch maintenant, là. Où il y a 5 minutes. Le pauvre. Quoi ? Imagine quelqu'un arrive sur le stream il y a 5 minutes, 2-3 minutes, 5 minutes, même maintenant. On est désolé, hein. Vraiment. Je suis désolé, je suis toujours. Et en même temps, non. Et attaque la flotte rebelle. Jusque là, on est bon, hein. Oui. Ouais. Je vais formuler ça autrement, mais on est bon. Je suis épuisé, ouais, moi, d'un coup. Ouais, on va peut-être s'arrêter bientôt, non ? Je sais pas. À vous de me dire. Ouais, on se met... Voilà, on a fait les 16 ans. Et puis... Alors... Bon, on peut peut-être encore avancer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on fait de... Donc là, bataille. Voilà, on va finir peut-être la bataille, et puis après, on se posera là. Ouais. Ouais, du coup, il y a les deux autres vaisseaux qui sont là. Chacun va prendre le contrôle du sien. Ils ont quand même le temps de se répartir ? Ou est-ce qu'ils ont pas le temps ? Je vois bien Anakin Déjà, je remonter pense dans que un les autres, ils chasseur et arrivent puis. et ils ont des gommes indirectes. Ah, je sais pas, faut. Je pense qu'ils vont en dégommer qu'un seul des trois, moi, perso. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils sont tous réunis dans un vaisseau. Et du coup, ce serait logique qu'ils se barrent du coup dedans. Pour moi, le vaisseau qui va être détruit, c'est celui où ils se trouvent tous, justement, parce qu'il a eu les coordonnées. Peut-être pas de la flotte en général, mais il a eu les coordonnées de ce vaisseau-là, Windu. Pour moi, les trois étaient ensemble, mais oui, ok. Oui, ils sont ensemble, mais il peut savoir lequel c'est, quoi. Lequel viser en premier, en tout cas. Ouais, parce qu'il les sent dans la force. En plus, ouais. On considère que Windu est dans la flotte, hein, c'est ça? Bah, je sais pas, ouais, c'est censé être le la Où fin, il a quoi. envoyé d'autres Jedi. Non, non, je pense Il vit en personne, on qu'il dira. est venu avec les gens, Donc, je mais précise, justement, hein, mené par ils peuvent Windu. aborder les vaisseaux. Ah, toi, tu veux vraiment que ça se termine là? Mais Ou. Ah non, non, d'accord, pardon. c'est le début. Oui. Bah, excuse-moi, je suis fatigué. Non, mais t'inquiète. Ah, Starblind, t'as pas raté grand-chose, on parlait de prépuce, t'inquiète pas. Non mais dis pas T'as ça comme raté ça, il y beaucoup a de le choses. contexte. Il y a un contexte. Oui. Mais bienvenue. Du coup. Après, en total, la flotte républicaine menée par Windu sort de l'hyperespace et attaque les vaisseaux rebelles. Donc, on a dit, ils attaquent quoi? Le vaisseau où se trouvent tous à bord. Windu est là. Il les sent, donc il tire sur ce vaisseau-là en priorité. Qui s'en sort, qui meurt? Moi, je veux vraiment buter Luke. Parce que comme ça m'évitera de penser à son. On va le garder jusqu'au bout exprès. Est-ce qu'on a un Je veux dire, du abordage? coup, Est-ce ils ont qu'on a. pas le Qu'est-ce que vous temps. voulez faire? Dites-moi. Ah, pour Vous moi, êtes il y trop a un fatigué pour abordage, réfléchir. ouais. Sinon, ça fait moins de drama. Ouais, mais c'est Je une suis totalement contrefaçon. d'accord. C'est une contrefaçon. Une contrefaçon. Une confrontation directe, du coup. Va falloir trouver des Ouais. pirouettes pour que certains s'en sortent et d'autres non. Mais on Bah peut ça faire un peut être la abordage, hein. petite. Shmi? Ouais, Pour moi, Shmi qui s'en fait sort dans un tous les truc. cas, hein, parce qu'elle prend. Je pense qu'elle prend un chasseur et puis elle va maraver dans l'espace, elle. Peut-être avec son daron Tu d'ailleurs. penses qu'elle y va direct? Oui. C'est la fille de son père, hein. Je la vois bien aussi futée que lui en fait. La bagarre! Shmi, je la vois bien Ouais, aussi bien loin fut-fut. quoi. Williams! Qu'est-ce qui. Oui, bah Peut-être le moment d'une action avec la force complètement pétée pour justifier que tous les héros ne meurent pas tout de suite. Oui, on peut imaginer un gros truc bien flingué. Genre Anakin qui, je sais pas, fait passer un vaisseau en hyperespace rien qu'avec la force, un truc du genre, ça peut être rigolo. Ah ouais, j'aime bien les trucs de physique comme ça. C'est vrai. C'est vrai que Luke, Anakin est censé être ultra badass. J'ai dit Luke ou Anakin? Oh putain, je sais même plus ce que je dis. T'as dit Luke. Non, t'as je sais plus. Voilà, je. Désolé hein, pour tous les gens en replay, on est fatigué. Ça nous a épuisé cette histoire de trucs. Mais non, mais Dis pas, non, dis pas le je ne mot. dis pas le mot. Je ne dirai pas le mot de la relique sacrée. Même plus besoin de dire le mot. On peut plus rien dire maintenant. De toute façon. Encore un coup des e-books. Alors, du coup, bon. Utiliser la force pour entrer en hyperespace. Bah pourquoi pas en vrai. Genre, il catapulte le vaisseau très fort en hyperespace, tu vois. Tellement fort qu'il passe en hyperespace. Non, par contre, il peut sauver les gens en se battant tout seul contre Windu et plusieurs autres maîtres pendant que les autres s'enfuient dans un autre vaisseau. Comme ça, il se sacrifie, c'est ça. Hein. Non, il survit. Il survit comment? Bah, grâce à la force. Il fait comme Leia dans l'épisode 8. Quand genre il traverse l'espace pour aller dans le vaisseau, genre oh, ciao les nuls. Ouais, mais du coup il est dans le coma. Du coup t'as On va Poe qui pas est rentrer dans triste. les détails, hein, on va faire. Non non mais, je sais pas. Ou alors justement c'est là que Obi-Wan il reste en arrière pour sauver tout le monde et il se fait buter. Non. Adrien, Ika, un avis, une Et idée? en gros, Je pense que ça serait pas mal qu'Obi-Wan meure là aussi. Faudrait que ça soit vraiment un moment clé où c'est la nouvelle ouais. génération qui prend le Va relais, quoi. te cramer à la meilleure idée. C'est l'épisode du milieu, c'est le moment où il y a tous les trucs vachement bad qui arrivent. C'est ça, ouais. Je suis désolé, mais va te cramer à la meilleure idée. Quand il arrête les vaisseaux et les lasers avec Waouh, c'est toujours stylé. Ah, les tirs des C'est beaucoup vaisseaux. trop badass. Bonne nuit, Kodalia. Bonne nuit, Koda. A priori, on va bientôt s'arrêter, donc J'espère que tu vas pas trop rêver de prépuce. tu n'auras pas loupé gros. Oh putain de merde, Matt. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais après, on se plaint qu'on n'est pas pris au sérieux. Pourquoi il y a personne qui veut nous inviter? Voilà pourquoi. Oui, je comprends mieux d'un coup. Du coup, bon, ouais, faut qu'on avance. Du coup, alors, est-ce non. Windu et ses Jedi à bord. Ces Jedi abordent les croiseurs. Le croiseur, enfin le Enfin, croiseur le de croiseur, ouais. le croiseur où se trouve, enfin où se passe la cérémonie. Le croiseur. Comment je pourrais dire ça? Croiseur de la. Je vais pas dire le croiseur de la cérémonie, je veux dire le. Bah, le croiseur Le croiseur principal. temple, le croiseur temple Jedi. Ouais, mais j'ai pas parlé du croiseur Ah, c'est temple jusqu'à carrément. présent, donc on va perdre, enfin ça va pas être clair. Faut que ça soit cohérent, tu vois, par rapport à ce que j'ai écrit Bah, précédemment. le croiseur sur lequel se déroule la cérémonie, c'est tout. Ouais, mais je cherche une façon C'est concise trop de le dire lourd. parce que ouais, Le croiseur cérémoniel. mais non, je voulais pas l'écrire, ça me paraissait con. Genre ils ont un vaisseau qu'ils utilisent que pour ça. Mais non. Non, mais voilà, celui où il y a tout le monde. Mais c'est pour ça que, en fait, on n'aurait pas eu toute cette merde si on Le avait pont, décidé dès le début qu'ils n'en avaient qu'un le seul. croiseur de la cérémonie. Oui, bah, s'ils en ont déjà plus qu'un, comment ils s'échappent? Voilà. Non, mais on aurait inventé une autre histoire. Windu ses Ceci dit, on Jedi à n'aurait bord pas du eu croiseur. la meilleure relique Oui, c'est qui ait vrai. jamais Faut existé qu'on dans fasse tout un Star what if, Wars. c'est notre what if en En fait. fait, je t'imagine s'ils gardent ceux de tous les apprentis Jedi qui ont. Oh la vache, il a flotté Les cales du vaisseau, il y a des bocaux partout. Ça va être. Ça doit ressembler au stock d'Amora là-bas, quoi. Mais non, ils le gardent en pendentif autour de leur cou. Ah, séché, tu penses? Oui. Oh bordel. Eh, à mon avis, il y en a même, ils le passent autour de leur sabre, comme un ornement, tu vois. Je suis désolé, Natachou, je suis Autour de la poignée désolé. du sabre. On peut Un pas peu, mettre notre un peu comme du cuir, costume tu vois. en Peggy 18 là, parce que vraiment. Ouais, voilà. Et il y en a. Qu'est-ce qu'on avait dit qui arrivait à Luminara? Est-ce qu'elle est déjà morte ou pas? Parce que si c'est pas le cas, elle peut mourir maintenant. Oui, Luminara Unduli, elle est C'était pas morte. une traîtresse, elle? Ah, on peut la tuer deux fois, hein, si vous Non, c'est voulez. Barry Sophie, la traîtresse. Mais Oui, d'ailleurs, Barriss, elle est devenue quoi? Ah, elle était dans la prison, elle s'est sûrement Non, mais évanouie. Odunli, elle C'est serait pour ça. restée avec Windu de toute façon, elle, non? Oui, Oui, c'est pour bah ça, je oui. dis, elle peut Ah mourir pendant oui. l'attaque, là. Ah, si vous voulez, hein, je passe après, moi. D'abord, le Mais elle meurt croiseur. pas avant, Luminara Et si Unduli? elle était déjà morte, on la rebute, c'est pas grave. Bah, tu vois, de toute façon, les personnages de la prélogie qui remeurent, il y en a plein. Hein. Ouais, donc il y a une ba baston et en gros Obi-Wan et Anakin ils confient la survie de tout le monde à Luke et Leia qui s'occupent d'emmener tout le monde sur un autre vaisseau qui est peut-être plus sûr. Alors, excuse-moi, je t'ai pas écouté. Windu et Jedi abordent le croiseur de la cérémonie pendant que. Anakin et Obi-Wan, c'est ça? Ils se battent? Anakin et Obi-Wan, ils se battent contre Windu et son contingent pendant que les autres s'en vont. Ouais. Retiennent Pendant l'ennemi. que les autres s'en vont, ouais, avec Luke et Leia qui servent un peu Afin que les autres évacuent. Le chef dans le coin avec. Afin que les autres évacuent sur les autres croiseurs. Ils sont petites, mes cases. Sauf que quoi ? Sauf que, bah, il va y avoir les tirs des vaisseaux, quoi. Ils sont pas safe de toute façon. Et c'est là, ils peuvent prendre des navettes pour aller dans les autres trucs. Et il y a la navette avec Mon Mothma et Bail Organa qui explose. Ouais, ça serait pas mal, ça, comme truc. Oui, c'est pour ça qu'Anakin, il se met à bloquer les tirs des croiseurs. Ouais, c'est toujours stylé comme scène. Ça, ce serait ultra badass. Et Padmé dans tout ça. Ça fait un beau callback à son petit-fils, qui n'existera pas dans cette timeline. La navette, la navette. Moi, je dis un moyen de faire en sorte que Leia et Han soient. Moyen que qui et qui se rencontrent ? Leia et Han. Mais Han, il a déjà une copine. Qu'est-ce que je dois préciser d'autre ? Lors de l'évacuation, la navette occupée par les responsables séparatistes est détruite. Oui, mais bon. J'ai autre chose à préciser dans cet encadré ? Ben, sauf Padmé qui est dans celle avec ses enfants. Oui. Alors. Du coup, toujours une timeline rouge. Alors, ça devient compliqué à lire, hein, donc je vais essayer de faire un truc relativement lisible. Est-ce que comment ils battent Windu, les deux autres d'ailleurs. Mais ils le battent pas, du coup, Obi-Wan il se fait buter. Ouais, non, ils perdent ce combat. Mais j'ai juste un voilà, petite réflexion. Anakin. À ce moment-là, moi je veux qu'il ait une barbe de Jedi. Ah ouais. C'est toujours très pertinent tes interventions, Adrien. Non, mais écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors vous faites ce que vous voulez, mais je veux qu'il ait une barbe. Voilà, c'est tout. Alors tu l'écris pas, mais dans ma tête, c'est une barbe. Depuis le début, tu peux l'imaginer comme tu veux en vrai. Hein. C'est ça l'intérêt. Ouais, mais j'ai trouvé ça important de le préciser, merci. Ça force pour bloquer les tirs des vaisseaux. Padmé et ses enfants. Et c'est pareil, Shmi elle est châtain comme son papa. Parviennent à rejoindre l'un des croiseurs. Il est blond, Anakin. Ouais, c'est vrai, plus blond. Bah ouais, elle est blonde comme son papa. Blond foncé avec J'ai écrit croiseur. Tant pis, je remets croiseur. Autre chose ? Châtain clair, ouais, c'est vrai. J'attends clair, blond, j'attends Autre chose, est-ce que Windu il se fait quand même jarter parce que Anakin il arrive à s'enfuir. Comment il s'enfuit ? Peut-être sauvé par sa fille pilote, justement. Mais elle pète le. Comment ça s'appelle ? Merde. La vitre, en gros. Vous savez, comme il. La baie ? Ouais, elle pète la baie du truc après que. Que Windu il est buté Obi-Wan et du coup ça aide ça sert à de comment ça s'appelle de distraction pour que Anakin puisse partir quoi. Châtain clair. J'essaie de voir comment organiser ça. Ouais, voilà, votre crâne est d'accord avec moi, hein. Anakin a une barbe. Oui. C'est très long. J'adore tellement tes collines, Adrien. C'est vraiment les plus belles collines sur lesquelles je vais mourir. Est-ce qu'elle dirige déjà un escadron à son âge ? Non. Elle est trop jeune quand même. Et je me demande même si genre Padmé l'autorise à genre faire des missions ou quoi, hein, genre. En même temps, il manque de bras et tout. Je pense qu'il y a moyen que. Ouais, mais tu sais, pour le personnage, c'est intéressant que. Ouais, mais t'as pas la force, tu peux pas y aller, tu vois, t'es pas. Ah t'es oui, pas comme, oui. Comme histoire de la mettre encore plus de côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le seul qui lui fait vraiment confiance, c'est son daron, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Confiance, mais... Ouais, c'est ouais. Pas confiance, mais c'est genre... Il... Donc on a un combat à 3 comme façon Doku Obi-Wan et Anakin, mais avec Windu, hein, c'est ça. Ouais, je pense. Genre ils se retrouvent isolés sur la sur le pont du vaisseau. Ouais. Quoi. Ils arrivent à vaincre les autres qui l'accompagnent, mais Windu est juste trop fort parce que c'est vrai que c'est l'élu. Lors du combat entre Anakin, Obi-Wan et Windu, Shmi sur le pont. C'est pas évident hein, ce que je fais de devoir résumer les trucs comme ça sur des cases. J'écris ouais, vraiment, moins, merci à toi, moins que dans un tweet à chaque fois. Hein, c'est... Et tu t'en sors très bien. Bah, écris plus que dans un tweet alors. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit lisible. Et concis, parce que sinon on aurait un Wikipédia depuis le début, hein, ça serait l'enfer. Avec Anakin, ouais, avec Adrien qui te fait un article entier sur la barbe d'Anakin. Et il a des cheveux longs aussi, tu vois. Non. Shmi détruit. Comme Qui-Gon Jinn. La baie. Ah, des cheveux longs, longs. Comment on appelle ça, la ouais, baie? Ouais, ouais, longs, longs, long, ouais. C'est pas la baie vitrée. Pff. La baie. Dites-moi, la baie. Oui, la baie, enfin, c'est pas une baie vitrée, mais comment on appelle ça autrement? Je vois pas. La baie d'observation, normalement, on appelle ça, mais je vais pas écrire ça. Ouais. Bon, je vais voir si ça tient. Mais l'observation. Le pare-brise. Oui, merci. L'observation. Permettant à Anakin de s'échapper dans l'espace. Permettant à Anakin de rejoindre son cockpit. C'est ça que tu voulais faire, Ouais. Wishkov. Ouais. Bah, après, on en a pas vraiment beaucoup discuté, mais bon, a priori, bon, on fait ça. T'avais ça en tête. Ça peut être rigolo, mais du coup, c'est Obi-Wan qui se sacrifie. Pour permettre cela. Ouais. Ah non, pour moi justement, il a été tué et Anakin est sur le point de se faire battre aussi. Ou ah, alors là, non, je sais pas. T'as dans les deux sens, ça peut. Enfin... Genre ils sont dans la merde et. Ils sont acculés. Oui, je voulais pas le dire parce que je sentais que ça allait mal finir, mais. Ben pourquoi donc on parle pas de prépuce? Ah, ça peut très vite mal tourner ce genre de mots. Du coup, ça marche dans les deux sens. Soit il est acculé, Obi-Wan sacrifie pour qu'Anakin puisse en sortir avec l'aide de Shmi, soit je sais plus ce que je voulais dire, je suis fatigué. Moi, je viens de voir un montage qu'a fait Ika en privé. Oh non. C'est non. La pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Super. Génial. Oh, mais qu'est-ce que t'as tapé sur Google pour trouver ça? On vous le partagera pas. Non. Sauf si c'est Adrien qui fait le tweet. Bon, Shmi détruit la belle observation permettant à Anakin de rejoindre son cockpit. Parce que je vois pas Anakin laisser Obi-Wan derrière lui, en fait. Et, bah ouais, c'est pour ça et c'est pour ça que pour moi il était mort juste avant. Ok. Mais que du coup, Anakin, il a pas le temps de snap parce qu'il y a sa fille qui lui sauve la vie. Du coup, je mets ça comme ça. Ouais, il lui laisse pas le temps de réfléchir, elle pète la baie, donc du coup, il a pas le choix que de faire ça pour rester en vie. Et puis, Windu, il arrive à s'échapper à l'intérieur du vaisseau, quoi. À repartir vers l'intérieur du vaisseau. Somehow, ils survivent tous les deux. Comment il le tue, Windu et Obi-Wan? Est-ce qu'il le découpe? Est-ce qu'il le plante? Pour moi, il le plante, ouais. Ouais, pour faire écho, it rhymes, it's like poetry. Avec pour faire écho à Qui-Gon Jinn, ouais. Qui meurt. Du coup, vrai. Anakin, lui, il le coupe en deux. Après, il le jette dans le vide. C'est une doute. Et on a dit que c'était Boba. Et il reviendra de 3 ans. Il revient avec le... Oh, à la fin, ça va être Boba et Anakin ensemble qui vont tuer Mace Windu. Un team up comme ça. Non, Anakin, bah oui. Anakin, ouais, le team up, Anakin, ils ont tous les deux perdu leur père. Mace Windu tue Obi-Wan. Oui, c'est vrai qu'Anakin il meurt avant. Non, en vrai, il est en mais... le plantant. Ben. Au cours de leur duel. Et bon, oui, voilà. Non, mais c'était pour. J'aime bien mettre des détails quand il y a des gens qui meurent. Tu veux pas mettre trop de détails, mais... Eh, Vatkram a raison, hein. Je veux dire, Mace Windu, son signature move, c'est de la décapitation. Ouais, mais non, c'est horrible. Obi-Wan tente de protéger Anakin ou pas? Ouais, mais il a du respect pour Obi-Wan, je pense pas qu'il va le décapiter, tu vois. Obi-Wan meurt en protégeant Anakin ou pas? Genre, juste, c'est dans le combat. Non, pour... non, c'est leur combat. Et Obi-Wan au cours du combat. Il ramène un peu Obi-Wan sur Terre, sur ses capacités, quoi. Voilà. Oh, il est pas mauvais, Obi-Wan. C'est juste qu'il avait bu un coup de trop pendant la cérémonie. Il est pas mauvais, mais ouais. Non, c'est vrai. La fameuse cérémonie. Il buvait pour oublier tout ça. Je veux plus voir ça, plus jamais. C'était une idée de con. Moi, j'avais dit qu'on voulait pas faire ça. De quoi? J'imagine Obi-Wan, il voulait pas. Lui, il était contre, tu sais. Je pourrais jamais effacer ça de ma mémoire. T'sais. Je les vois encore, putain. Dans des combats entre Anakin. Quelle horreur. Le pauvre. Et parce que du coup, a posteriori, ils ont dû se le faire aussi, Anakin. Attendez, et vous savez... quand ils ont décidé de la règle. Vous savez quel âge il a, là, Windu? Il est pas jeune, à mon avis. Il a 69 ans. Ouais, mais la quel force, c'est l'élu en même temps, hein. Mais il est conservé. Nice. Et est-ce que ça vous va ce que j'ai écrit, là? Je peux vous laisser regarder et vous me dites... Ça me va très bien, moi. Oui. Bah c'est cool, je suis content, ça vous fait ce plaisir. Bah hey, Samuel Jackson, il a 72 ans dans la vraie vie, là. Ouais, ça passe, hein. Mais bah oui. Ouais. Est-ce qu'il aurait une barbe? Tu parles de qui, Natashu? De Mace Windu, j'espère. Non, je pense pas. Bah, il en avait pas avant. Non, pour lui, c'est la pureté, tu sais. Non, bah ça, pour les barbes, faut barbe, faut demander à Adrien, c'est lui qui... C'est lui qui... Ouais. Regarde, ouais, Adrien, voilà, je t'ai posté un beau... Barbes, On va le laisser décider, c'est notre consultant barbe, Adrien. Sur les questions critiques, il est toujours là. En plus, je me suis rasé, il y a vraiment deux jours, donc voilà, je suis pas... Mais bon, je fais ce que je peux. Tu t'es rasé à blanc? Mais il y avait un... Dommage, c'est rigolo quand tu fais ça. Un fan-made? Non. De Mace Windu vieux, avec de la barbe. Parce que, tu sais, il y a des fans qui avaient théorisé qu'il était en vie et tout. Ouais, il y en a qui... J'ai vu ça cet après-midi, il y en a qui pensaient qu'il serait dans le Mandalorian dans la saison 2. Voilà, bon, bref. Pourquoi pas. Sans déconner, s'il le faut revenir, c'est une immense erreur de scénario. Ouais, et de narration, bon, surtout. Mais toi, tu veux qu'il y ait que Grogu qui revienne? Bah oui. Alors qu'en vrai, ça peut marcher sans. Hein. Mais ça pourrait être fun, du coup, si vous voulez garder deux vaisseaux pour la... Oui, bah du coup, là, justement, il faut qu'on conclue la bataille. Donc là, est-ce que les vaisseaux s'échappent, du coup? Et ils peuvent être tous séparés, du coup. Oui, je pensais qu'ils seraient en deux groupes. Séparés, ouais. Le groupe de Luke et le groupe de Leia. J'arrive pas à copier les... Ah ouais, trop bien. Avec Anakin qui est avec un des deux et Leia qui est avec l'autre. Ah, tu sépares les deux, oui, mais c'est vrai. Et Padmé qui est avec l'autre. Bah, Padmé avec les gosses, ils sont enfuis dans le même vaisseau pour moi, donc ça va être dans le même croiseur, il n'y a pas de raison qu'ils se séparent après. Mais du coup, il y a qui dans le deuxième? Alors, on détruit deux. Il en reste plus qu'un. Ouais, bah peut-être que Anakin, du coup, voilà, il est tout seul. Ah bah Anakin, il vient de faire Ahsoka et Obi-Wan et ses enfants, sa femme. Et on laisse juste Anakin et Shmi dans un vaisseau. Voilà, et les autres dans l'autre. Ah, trop bien. Comme ça, on peut build up un chouette truc après. Et ils ont pas de communication entre eux. Ouais, ouais, ouais. Alors. Mais genre, ils ont juste. En tout cas, il faut qu'ils évitent. Au pire. Non? Comment? On peut juste dire qu'ils ont pris une capsule de sauvetage. Shmi et Anakin. Mais non, ils ont rejoint un des deux autres vaisseaux, quoi. Ah, ok, d'accord. Okay. Sauf si on en garde qu'un seul, mais je trouve ça plus rigolo. Genre, ils ont toute ils la flotte. Séparés, c'est bien. Ouais, et le film se termine, ils sont séparés, et on sait pas ce qui va leur arriver, et puis il y a plein de gens qui sont morts, et ça pleure dans la salle, et c'est trop bien. Et puis il y a les vrais fans qui râlent à la fin aussi. Ouais. Et non, on est d'accord. On a dit qu'on n'avait pas beaucoup avancé, mais en fait, on a fait le premier film de la trilogie. en plus des des personnages qu'on utilise et tout ça, on est d'accord qu'autour de autour de d'Anakin, de Luke, de Leia, de Shmi, tout ça, il y a d'autres Jedi avec eux, on est d'accord. Enfin, il y a d'autres. Ils sont pas cinq Potentiellement plus pélos. beaucoup, quoi. Oui, non, d'accord, oui, c'est ça, il n'y en a plus beaucoup, mais déjà, il y en reste certains et certaines, quoi. Ouais. Je pense que ça serait Il y a. intéressant que ça mène à une réduction des Jedi dans les deux camps d'ailleurs, petit à petit. Je vais marquer Oui, bah croiseur 1, justement, croiseur 2, écoutez. Luke, Anakin et Obi-Wan, ils se sont retrouvés avec que Mace à la fin, mais c'était parce qu'ils ont dû s'occuper de tous les autres qui avaient abordé avec. Par contre, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait de Rex? Il meurt dans la bataille, il se fait tuer par Windu parce qu'il n'en a plus besoin. Ou il se fait récupérer par Windu, je sais pas. Il veut tuer les Jedi, je sais pas ce qu'il te faut. Ouais. Ah oui, bah oui, Là, c'est quand vrai. on est parti, ils ont pas le temps de le capturer, ils vont pas se faire chier à emmener un mec qu'ils ont emprisonné pour Ah, le on foutre remarque que ça dans serait un pas mal, ça serait camion. pas mal comme ending où Mace il bute Rex, tu vois, et du coup il s'en Ouais, est juste ouais, servi comme un outil, quoi. Comme ouais. le clone Oh, mais qu'il c'est est. horrible pour Rex. Oh, mais Bah oui, bah il il vient a de tuer piqué Ahsoka, je Ahsoka. sais pas ce qu'il te faut, enfin. Ouais, mais justement, on devrait le remercier, putain. Non, je rigole, mais. En gros, genre, non, mais tout bêtement, mais juste qu'il y a un moment où genre il reprend un peu ses esprits et il s'excuse auprès des Jedi ou quoi. Sinon c'est vraiment vraiment Mais vraiment c'est l'ordre cynique. Hein. 66, comment tu veux que ça marche? Mais Ouais mais je sais il est pas. cynique, Windu, c'est un enfoiré. Ouais mais c'est triste pour Rex. Parce que du coup les autres vont penser qu'il a trahi genre Ouais, bah Vénère, tu la vois. vie est triste, hein, mais écoute. il a Pas du tout. trahi dans les faits. Ah il a pas trahi, Ouais, on il voit a rien que. trahi et il veut tuer des Jedi et c'est une théocratie, il va pas le laisser en vie. En fait, au Non niveau du mais ça je scénario, il suis n'y a pas de d'accord. sens qu'il survive comme ça. Et Oui. puis bon, c'est Non, non, triste, ça je suis mais d'accord, mais. c'est bien qu'il y ait des trucs tristes aussi. Bah, ouais, mais. Je sais pas, je trouve ça Un un peu peu trop, dur. genre. Un peu, ouais, je trouve un peu dur. Oh. En vérité, genre, j'aimerais juste que Rex, il essaie de. Ouais, par exemple, comme Natasha Bah, vous dit, genre, savez, mon idée de Rex. tout à l'heure, en fait, c'est Rex qui glisse sur le prépuce et qui monte tombé et qui Ah. crève. En Non, vrai, mais genre, Rex, c'est le tueur l'idée du tout. de Vatkram aurait été rigolote parce que ça aurait été sympa qu'il y ait une scène et en fait, Rex essaye pas de tuer Mace et du coup, ça signifie que Mace n'est plus vraiment un Jedi, tu vois. Oh. En vrai, c'est une super idée. C'est une super idée, je trouve. Hein. Les deux vaisseaux sont Ah ouais. séparés. Mais du Générique. coup, Mace le Tadam bute parce qu'il est frustré. C'est ça. Genre, tadam. t'essayes pas de me Ouais, tuer. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Ça va ce que j'ai écrit là pour la fin? Très bien. Cool. Oui, mais si j'ai pas la cellule avec, ça va pas le faire. Donc, on dit, il meurt ou pas, Rex? C'est bon, il meurt. Ouais, il meurt Oui. après avoir essayé de tuer. Non, bah non, du coup, Après, il. ne pas avoir essayé de tuer Mace, justement. Ouais, c'est ça. Et Ouais, je sais pas. Ouais, c'est dommage quand même pour Rex. Il faudrait que dans l'histoire, il y ait quand même une suite Écoute, dans laquelle. on a décidé que c'était un outil, Rex, là, pour le coup. Hein. Et Ouais, mais il puis. faut quand même que l'héros se rende compte qu'il n'a pas fait ça de son plein gré, quoi, dans l'histoire. Eh ben, ils savent pas, mais ils ont tout un chapitre 2 Voilà, et on du est d'accord. milieu Il pour y a, y a, y a réfléchir peut-être pour encore, ça. y a peut-être encore Cody sur le croiseur 1, En plus, Wolf Anakin, il va avoir Maximo. des idées noires. Ouais, Cody, c'est encore bien. Si Cody survit, il est sur le même vaisseau que Anakin et Shmi. Par exemple, lui ou un autre. Hein, Non, mais c'est mieux si c'est Cody parce qu'en plus, c'est un pote d'Obi-Wan C'est qui vrai. est mort. Oui, c'est vrai. Oh là Pour là. le drama, Anakin il vient de perdre deux des personnes les plus importantes de sa vie et tous les autres, à part un, en gros il a plus que Shmi en fait. Ouais. Il y en Ah, a c'est deux trop qui bien sont comme idée. morts, les autres il sait pas et il a plus que la petite qui a pas la force et le pote clone. Donc voilà, le drama est là. Ah, ça marche bien. Ça va ce que j'écris? C'est bien. Ah oui, je pense. Ouais. Ah, mais voilà, du coup, je me disais comment ça se fait qu'il a eu l'occasion de buter Obi-Wan. C'est parce que, en fait, Anakin, il bloquait les tirs et du coup, Obi-Wan, il était tout seul face à Mace. Mmh, on peut dire ça, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Du coup, c'est comme ça que. En plus, du coup, Anakin, il culpabilise après. Ouais, enfin voilà, il a plus rien. Écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Anakin, il est au drama pire final de toute sa vie. C'est incroyable. Là. Mais c'est plus un jeune bébé. Il a quel âge là? Il a bientôt là, la quarantaine. Non, il a la quarantaine. Ou la quarantaine. Ou il a 39 ou 40, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, là il est dans un super spot, Anakin, pour jouer avec son trauma. Et pendant ce temps-là, Boba prend des vacances. Bon, bah là, pour le coup, on l'a pas trop embêté. Hein. Alors, Boba, ce qu'il arrive à la fin du film, pas, en même temps. Il s'assoit sur le trône. En fait, là, dites-vous, à la vois, fin de c'est pour truc, ça que Anakin il peut aller demander de l'aide à Boba. Anakin, sur son vaisseau et tout, et c'est là qu'ils peuvent aller sur Tatooine oui. se cacher. Ah, incroyable. En plus, il pourra montrer la tombe de Shmi à Shmi. Oh là là, incroyable! Ah, vraiment! Ah. Ça lui fera des beaux souvenirs. Bah, ça lui fera des horribles souvenirs. Il fait encore une personne qui est morte que jamais. C'est bien en plus. Comme ça, en plus, Luke et Leia pourront avoir un enfant et vont pouvoir l'appeler Obi-Wan plus tard. Luke et Leia? Je sais pas pourquoi pas. Mais parce qu'ils sont frères. On a décidé ça ce soir. Oh, c'est l'espace, écoute. Personne n'est là pour juger. Personne n'est là pour juger. Quelle horreur. Oh, merci tout le monde d'avoir été là en tout cas. Mmh. Est-ce que tout le monde est encore là? Oui, il y a encore des gens. Il y a encore des gens. Il est tard. J'ai pas pu regarder trop le chat, je suis navré, j'étais concentré sur ce que je faisais. Mais t'inquiète pas, c'était pas son taf ce soir dans le jeu. J'ai failli mourir là à cause du. Merci donc à. Bêtise. Merci donc à Vadkram qui était là, à Natashui, à Kodaria qui était là pendant un moment aussi, à Willins, à. Et puis à tous les autres. Il y en a d'autres qui ont parlé. Merci à ceux qui ne parlent pas aussi, qui sont là. Merci à Starblind qui nous a rejoint tardivement, mais qui était là sur la fin. Oui. Et puis à tous les autres qui ne parlent pas, qui n'osent dire mot. Mais qui nous juge certainement dans l'ombre. Voilà, non mais on remercie, mais c'est très bien aussi de s'excuser, de demander pardon, je pense. Ah bon, moi j'ai pas à m'excuser, hein, c'est Wojcov qui est parti en suicide. C'est moi. Non, c'est moi qui ai commencé avec ça. J'ai rien dit. C'est toi qui as commencé. Hein. J'ai rien dit, non, bah, j'ai... Oui, mais c'est toi qui es parti. Bah, c'est une bosse, c'est ta faute. Bah, c'est ma c'est faute. Bref, on arrête là. Ouais. Merci à toutes merci à tous tout et aux autres. N'oubliez pas de nous suivre. On reprendra sur Twitter. Ça. Alors, idéalement, il ne faut pas qu'on prenne ça trop tard parce qu'on va oublier des trucs sinon. Mais on va reprendre ça bientôt. Mais on reprend ça la semaine prochaine. Moi, mais non, la semaine prochaine, c'est Star Wars Visions. Ah oui, dans 2 semaines du coup. Bah, voilà. On peut dire ça dans 2 semaines ouais. Éventuellement. Ouais. C'est acté. Bah. Parfait dans 2 semaines. Parfait. Tu seras pas là, toi, c'est ça? Si, probablement, je me débrouillerai toujours. Encore 2 semaines, voilà. Ça va. On va aussi oublier les trucs. Bienvenue à Ika au sein de l'équipe. Oui. Notre nouveau bébé. On le redira, je pense, plus officiellement la prochaine alors, fois. Alors, oui. Ika. Tu fais des montages de prépuce dans le prix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, t'es plus... c'était cool. Ton stage est fini. Salut. Et je m'inspire de Matt. Et je suis pas une référence. Allez. Gros bisous. Prenez soin de votre prépuce et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Gros bisous, bonne merci à tous. Bye. Ciao. À la semaine prochaine.